17h à 20h, écoutez Coé sur Énergie, ça fera pousser le zizi. Alors cette journée, pas ouf, hein. T'inquiète, c'est Coé, ça commence maintenant. Le Before. Coé, vous êtes prêts? Alors, c'est parti. 17h, 20h sur Énergie. Ouais. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir choisi. Tout à l'heure, notre invité Louan sera avec nous aussi. Aussi. Aussi. Louan sera là. Si, si. Si, si. Aussi. Ça fait du fou, je peux te dire toute la chanson. Elle sera avec nous. Aussi. En tout cas, elle sera notre invité Louan. Ça nous fait très plaisir dès 18h30, un peu plus tôt aujourd'hui. Et non, plus exactement, c'est mardi aujourd'hui, c'est le jour 2. Deuxième journée pour moi sans virus, deuxième journée sans microbes, alors que toute l'équipe est en train de traîner toutes les saloperies existantes. Et c'est également le deuxième jour, et je suis très très heureux de vous l'annoncer, deuxième jour de panne et de non-fonctionnement pour l'ascenseur sur lequel il y a notre gueule. L'ascenseur Coé ne fonctionne toujours pas, alors que le Manu, il drop. Ah, le Manu, il prend tous les gros culs de l'immeuble qui veulent pas faire un étage. Ah, le Manu, il monte, il descend. Il y en a qui prennent l'ascenseur pour un étage. C'est vrai. Mais enfin, les amis, ceux qui bossent au 4e, 5e, 6e, je veux bien l'entendre. Ouais. J'en ai vu la dernière fois, ils sont arrêtés au 1er. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est honteux. On les juge, nous, maintenant. Voilà, là, c'est ça. Bah, voilà. Le Coé, je vous le dis tout de suite. Juge. Vous montez pour un étage, je dirai sors, tu sors immédiatement, tu bouges ton cul, ça te fera du bien. Voilà, l'ascenseur Coé, bon, il est en panne. Hein. Je vous ai fait des images, il est une grosse. Il est en surpoids, c'est pour ça. Je demande juste à la maintenance d'énergie, les mecs, ne mettez pas sur ma gueule en panne. Ou en voie de réparation sur mon front, faites pas ça, s'il vous plaît. Ça, voilà, parce que les gens après ils vont croire que c'est moi qui suis en panne. Est-ce que l'équipe est en pleine forme? Oui. Louane, notre invité aujourd'hui, il y aura pas mal de surprises, vous allez adorer. Il y aura peut-être jusqu'à 10 000 euros à gagner tout à l'heure, si jamais vous êtes bon, si vous ouvrez la bonne enveloppe, les amis. 10 000 euros, j'ai mis quoi? Deux enveloppes à 10 000, genre. Ah non, j'en ai une à 10 000 aujourd'hui. Une à 5 000, une à 1 000, une à 500, une à 200, une à 5. Oula. 7, 10, 12 par SMS, PTK et au début de votre message. Nous sommes là pendant toutes les vacances, nous serons là. Oui, je vais les voir à Cannes. Oui, toutes les voix à Cannes. Demain avec nous, il y aura Oshi. Dans quelques jours, il y aura Angèle qui sera notre invitée. J'adore Angèle. Mardi prochain. Amir, viens nous voir lundi prochain. Il y aura MHD qui va venir nous voir aussi dans quelques jours. Mon ami Akeleta. C'était pour mon ami, c'est une kefta. Mon ami, c'est une kefta. C'est pour les gens qui ont faim. Pour mon ami, c'est une kefta. Toi, c'est un panini. Toi, c'est pour ça une kefta. Je rappelle aussi que dans l'émission, nous aurons pas mal de trucs. Les champions du monde de l'actu dans un instant. Nous aurons le zap télé de Miko. Nous parlerons de quoi, entre autres, Miko? L'amour est dans le pré. Ah oui, évidemment. Évidemment, hier soir. Évidemment, bien sûr. Nous aurons le top 10 des jobs de femmes qui plaisent aux hommes. Ah. Le classement officiel des métiers féminins que les hommes trouvent très sexy. Nous l'aurons tout à l'heure, des nouvelles de Patrick Sébastien qui fait un bad buzz. Hein. Ah ouais, il a fait une vanne sur Johnny et sur Laetitia Hallyday. Ah, bad buzz, bad buzz. Aïe, aïe, bad il fallait buzz. Que ça arrive. J'en fous, il te virait. Donc, tu veux pas nous refaire une texte? C'est déjà trop tard. Il est là, il est chez lui. Il fait, je m'en fous, je suis déjà dehors. On l'aura tout à l'heure en ligne, Patrick. Nous aurons tout à l'heure, l'agriculture en 2030 en France sera 100% bio. C'est ce qu'a annoncé le ministère, donc en attendant, on aura tous des cancers. Oui. Mais à partir de 2030, ça ira mieux. On sera bien. On n'aura plus de bras pour manger les maïs, mais ils seront bio. Eh bien, nous aurons la compile de bio tout à l'heure. Nous reviendrons sur la musique qui rend intelligent. C'est une info qui est sortie aujourd'hui. Un gars qui mangeait beaucoup de choses, je vous en parlerai, qu'il ne faut pas manger, mais lui, il en mange 3 fois par jour. Je vous dirai tout ça tout à l'heure. Les galères des vacances. Vous êtes auditeur, vous êtes en galère de vacances. En gros, vous vous ennuyez là où vous êtes. C'est les vacances de les Toussaint. C'est pas les plus drôles du monde. Ouais, vous nous envoyez 0870 42 48. Passez-nous un petit coup de fil. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Ah, puis une info qui est tombée tout à l'heure que je vous dirai. C'est à la une d'ailleurs de tous vos téléphones portables. Que risque-t-on réellement avec la cuvette des WC? Vous savez que généralement, nous les hommes, on va aux toilettes, on fait pipi debout. Mais pour les filles qui nous écoutent, c'est un vrai problème. Elles ont un double problème, les filles. C'est de s'asseoir sur la cuvette parce qu'il y a des maladies. Et le deuxième problème, elles ne peuvent pas y aller toutes seules. Elles sont obligées de prendre une copine avec elles. Nous, on peut aller faire pipi tout seul. Mais vous, les filles, il faut parler. On sent qu'il faut échanger. Ou alors, est-ce que c'est pour camoufler le plouf? Je sais pas, mais il faut parler. Moi, je suis sûr que c'est pour ça. Et donc, tu as entendu parler des nouvelles de Sylvie? Plouf. Ah, mal calibré. Ah non. Mais j'en suis sûr. Et une info pour démarrer l'émission. Les champions du monde, vous savez, on fait un champion du monde avant l'heure parce que c'est un animal, on peut pas le mettre avec les autres. Le RER en région parisienne, ceux qui habitent Paris, vous le savez, c'est une galère. Ça ne marche jamais, le RER. C'est toujours en panne. Eh bien, là, il était en panne. Il s'est arrêté à la gare de Maison-Lafitte dans les Yvelines. À cause de quoi? Vite, allez, vous avez 20 secondes. Un animal qui a traversé. Oui, c'est vrai que je l'ai dit, c'est à cause d'un animal. C'est vrai que moi, si je fais des films policiers, ça va être vite torché avec moi. Je crois que c'est vous qui avez tué, mais j'en parlerai dans une heure et demie. Oui, un animal, mais quoi? Un lion? Non, un lion. Un sanglier. Ils ont la fite, un sanglier. Mais des rats? Non, c'est pas des rats, non, les rats roulent dessus. Un cheval? Non, avec des plumes. Avec des plumes. Un pan? Non. Un toucan. Un dodo tant que tu y es. Un dodo. Il en restait un, il est à Maison Lafitte. Mais non. Non, non, à cause d'un cygne qui s'est mis devant le RER. Alors le cygne, ça paraît joli en photo, mais c'est quand même une vraie saloperie sur pattes. Personne n'osait aller le chercher. Ce sont les pompiers qui ont, pris l'animal et ils l'ont remis dans la Seine. C'est fou quand même, hein. Eh ouais, j'ai envie de dire, pour bloquer le RER, il suffira d'un cygne. Voilà, c'était la vanne rapide du jour. Attention, l'équipe aujourd'hui, je vous la présente. Ça c'est fait. Elle est drôle. Elle est, Elle est sympa. Elle est pas ouf, mais elle est drôle. J'ai une équipe aujourd'hui constituée de virus vivants. Lui, à cause de sa maladie, ça lui donne la tremblote. Du coup, pour une fois, ça lui fait une excuse pour louper les enchaînements sans se faire engueuler. Le très enrhumé Bichette. Wow. Bonsoir. Avec son virus, il transpire tellement qu'il a décidé d'en profiter de s'inscrire à un concours de t-shirt mouillé. Du coup, attention à l'odeur, ça peut piquer les yeux. Le très malade Miko. Bonjour. Mais ça va mieux, ça va mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. Elle n'est pas encore malade, mais on fait tout pour. Les stagiaires essaient de lui transmettre toutes sortes de virus pour être tranquille au moins une journée. Mais elle, les virus, elle leur casse la gueule et elle les bouffe. La disparition du typhus et du choléra, c'est elle, l'indestructible stouff. Il est malheureux quand il a un rhume, il sent plus le goût de ce qu'il mange, mon bonhomme. Ouais, c'est vrai. Du coup, il en profite pour bouffer plein de conneries comme des pneus ou des plaques de fer. L'ascenseur, le câble, c'est lui. L'insatiable Jeff. Okay. Et enfin, pour terminer, c'est le pire cas de la médecine. Il est atteint d'une maladie incurable nommée faute d'orthographite aiguë. Le spécialiste dit qu'on ne peut plus rien pour lui. Il pourrait aller bouffer des bécherelles autant qu'il veut. Il pourrait au mieux devenir le parolier de Jules. C'est celui qui gère les réseaux sociaux, c'est mon bordas. Merci d'être là. On va s'écouter Soprano. On aura du Alvaro Soler, on aura Yana Kamura, on aura Labirat, Sien et Diplo. C'est le titre que j'adore. C'est celui que t'aimes bien. C'est LSD. C'est celui-là, c'est celui-là. Ouais, mais LSD, les drogues, c'est caca pour la santé. Les champions du monde de l'actu dans un instant. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, s'attendre à merci. Vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï, laï, laï, laï, la, la, laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, laï. D'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit, chez nous, l'accueil est inné. Sauf ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout, ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit, le monde, il est fêlé. Change avec ton humanité, c'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer, c'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit, laï, laï, laï. À la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la, la, laï, laï. Maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie, à l'amour. Énergie. Merci d'être avec nous sur Énergie, de l'émission en public à 18h avec Louane qui sera notre invité vers quoi? 18h30. Oui. Le hashtag du jour, Louane Checo est sur Énergie. Mettez-le en TT sur Twitter évidemment si vous êtes fan de Louane. Mais en plus, avec ce hashtag-là, on pourra vous appeler en direct et en mode surprise pour que Louane vous parle directement pendant l'émission. C'est mignon. Oh, c'est bien. C'est cadeau, c'est les vacances, c'est friendly. J'ai envie de vous faire plaisir. Voilà, vous avez aussi 10 000 euros à gagner, 7, 10, 12 par SMS. Trouvez la bonne enveloppe et trouvez jusqu'à 10 000 euros. Il y a une enveloppe à 5 000, une à 1 000, à 500. Ça fait de l'argent cette histoire. Je vous le dis, ça fait de l'argent. En attendant, voici les champions du monde de l'actu. Il y en a deux. Il y en a deux et je les adore. Champion du monde, un médecin des urgences de l'hôpital de Toulon. Une femme a été admise par le service après avoir été victime de malaise. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un malaise? Quand on, en théorie, quelqu'un devant vous, il a un malaise. Appelez une ambulance. Oui, mais sachant qu'elle y est déjà. Ah oui. La mettre en PLS, non? Alors oui, on suppose que tout ça, ça a été fait parce qu'il est professionnel, mais quoi d'autre? Bah on l'amène à l'hôpital. Bah, il y est. De l'eau, mais du t'écoutes sucre, ce que je dis. T'écoutes quelle radio dans ton cas? Tu veux le tirer sur RTL ou quoi? C'est des nouveaux titres de. Oh, quel relou, le mec, je lui parle, je viens à l'hôpital, il fait, on l'amène à l'hôpital. Oh là là, allez, maintenant il lit la news pour plus avoir su. Maintenant il lit la news. Mais je dis, attends, je vais plus dire de conneries, qu'est-ce que tu dis? On lit plus, mais voilà, je lis. Mais écoute ce que je dis, ne lis pas, mais écoute. Vas-y. En gros, il lui a mis trois claques. Oh non! Ce qu'il faut pas faire. Mais ça va pas, non? Ce qu'il faut pas faire. Alors, c'est une petite méthode quand on n'est pas médecin. Vous voyez quelqu'un qui se sent pas bien? La, oui, la claquette. Ah non, il lui a mis trois beignes, mec. Rocky Balboa. Il lui en a mis trois. Résultat, pour la dame, 5 jours d'ITT et des douleurs au cou et au dos. Ah bah, je pense que le gars, c'était Hulk Hogan. Il était, maintenant, on savait plus où il était. Il est The Rock. Tu vois, il est devenu infirmier. Parce qu'en théorie, pour que ça aille pas bien, c'est ça. Donc oui. Lui, il a fait. Ça, trois claques, c'est l'équivalent de. C'est un coup de pelle. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais vous savez quoi? Moi, je trouve qu'on pourrait avoir le son. Ça me rappelle les bronzés font du ski. Oui. C'est la même chose. C'est là que vous avez mal, hein? Bon, bah, c'est rien du tout. C'est une petite luxation. Voilà. On va vous remettre ça en place gentiment. Puis ça va aller tout de suite mieux après, hein? Vous êtes prête, mademoiselle? Prête, docteur. Bah, allez-y. Vous n'avez rien senti? Si. Ça m'étonne. Mademoiselle Alpha Chymotrypsine, bandage très serré. Oui. Et puis alors, aspirine si elle a mal aux dents. Eh ben, c'est ce qu'il a dû lui dire. Aspirine si elle a mal aux dents, surtout, hein? Super champion du monde des chasseurs. Ah, ça faisait cette fois-ci, ce ne sont plus des VTT, c'est deux surfeurs qui se sont fait tirer dessus. Qui les ont pris pour des faisans. Alors là, faut y aller fort. Les mecs étaient en train de faire du surf, ils ont entendu deux coups de feu, ils ont sauté dans l'eau, ils se sont relevés, ils ont insulté les chasseurs qui, paraît-il, n'ont pas réagi. Si ce n'est au bout de 5 minutes, un des chasseurs a fait « Oh, ta gueule !» Et ils sont partis. Même pas vrai. Même pas, excusez-moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais enfin, c'est un truc de dingue. Vous savez que les chasseurs, ils vont de plus en plus loin, les chasseurs. Ah ouais. Avant, ils tuaient d'autres chasseurs. Oui. Ils ont buté des chiens. Oui. Après, ils ont tiré sur un VTTiste. Oh, c'est un sanglier. Et maintenant, c'est des surfeurs. On est à deux doigts du deltaplane, les gars. Je pense que les gars vont dire ouais, c'est pas un oiseau, Roger. Fais voir. Ah non, putain, la gueule de mon cousin. Oh, c'est pas grave. Ah bah, on va le ramener quand même. On va le ramener. Au-dessus de la cheminée, il sera beau. Bienvenue sur Énergie, merci d'être avec nous. J'ai cru que c'était un sanglier. Ah oh bah ouais. J'ai cru que c'était un sanglier volant. Ah oh bah j'ai tiré dessus. Ah oh bah je vois plus rien après deux verres. Está que cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi corazón. Como en una novela, en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Si te besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate.

Entouré de mon équipe d'experts, nous reviendrons sur des événements qui vous ont marqué. Entre expertise et décryptage, nous vous ferons découvrir des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes. Crimes et faits divers, La Quotidienne, votre nouveau rendez-vous en direct à ne pas manquer du lundi au vendredi à 13h35 sur Énergie 12. Énergie, it's music only. Analyse l'actualité politique avec des spécialistes dans une ambiance studieuse. Non. Mais non, je déconne. C'est Coé, c'est le plus fort. 17h, 18h sur Énergie. L'émission publique tout à l'heure, vers 18h30, Louane sera notre invité. Si vous voulez être avec nous pour aujourd'hui, c'est mort. Mais par contre, pour les prochaines émissions, vous envoyez vos mails à coépublic@energie.com. Venez pour les prochaines, venez nous voir. On fera un Facebook Live tout à l'heure avec Louane. Comme ça, si vous êtes fan, vous la verrez quand même chez vous et vous l'entendrez sur Énergie. Et n'oubliez pas qu'avec le hashtag qui est Monsieur Bordas. Entêté. Oui, mais le hashtag qui est entêté. Louane chez Coé sur Énergie. Merci. Pardon. On avait tous compris. Quoi. Oh là là. Désolé. C'est drôle. Mais c'est incroyable. T'es pas monté comme tout le monde. C'est parce que je suis gaucher. Ouais. Non, mais c'est drôle. C'est le bordel là-dedans, mais c'est drôle, c'est marrant. Dans un instant, nous aurons quoi d'autre encore? Nous aurons le Zap Télé de Miko, un spécial. L'amour est dans le prêt. On ne s'en lasse pas. Peut-être 10 000 euros à gagner. Trouvez la bonne enveloppe. Jouez avec nous. 7, 10, 12 par SMS en mettant Coé devant. On aura dans un instant les pires vacances que vous pouvez passer. On aura quelqu'un qui est en ligne. Puisque généralement, vacances de la Toussaint, hein, c'est le moment où les parents disent allez. Ah oui.

love go. You put the running into. You ask me to stay, but I know I'm not a man I could trust. Hey. Préparez-vous dans un instant le zap télé de Miko spécial l'amour et dans le pré je parlerai d'un gars qui lui mange des choses qu'il ne faut pas manger, en tout cas pas toute sa vie, je vous en parlerai d'ici quelques minutes. Patrick Sébastien qui reviendra sur le bad buzz, hein, il a fait une vanne sur Laetitia. Mais vénère ou... Oh bon, je peux vous la dire la vanne, il a fait un truc dans son spectacle où il dit Johnny c'était l'idole, Laetitia c'est l'idole. Bon, oh, voilà. Ouais. Oh, ça va. Ça va. Elle est franchement. C'est rigolo. Allez, bon, allez. C'est du jeu de mots. Un peu d'humour. Oh, pas pour compte après que sur les politiques et pas sur les. Oh non. Oh là là. C'est pas fin, mais c'est pas fin. C'est pas la fin du monde. On aurait pu la faire. c'est ça le pire. Bon, en attendant, on en parlera dans un instant avec lui-même au téléphone. J'ai envie de vous offrir des sous. Allez. J'ai envie de vous offrir des merci. Sous. Merci. Il y a des enveloppes. Vous avez tous votre enveloppe ? Oui. Oui. Ouais, on l'a dans la poche. Nico, Bordas qui fait les réseaux sociaux, on est entêté avec le hashtag Louane chez Koé sur Énergie. Faut que vous nous le mettiez numéro 1, c'est important. Il y a Bichette qui est là, il y a Jeff qui est revenu même malade. Oui. Il y a ma petite Stouff, il y a moi-même. J'appelle quelqu'un qui s'inscrit au 7-10-12 s'il me trouve la bonne enveloppe. Quoi qu'il se passe, il y a de l'argent. Il y a une enveloppe à 5 euros. Quand même. C'est pas beaucoup. On l'a jamais eu, la toute non, petite. Jamais. L'insultante. Là, je sais que la France s'arrête parce qu'il y a des gens qui rentrent plus dans les tunnels quand je fais ce jeu. Bah oui. Arrête, ça va plus capter. Sébastien. Ah oui. Comment ça va? Ah. Salut Seb. Allô. Salut Seb, c'est Seb. Salut. Comment ça va? Ça va, Seb. C'est Seb. Ouais. Est-ce que ça va, Seb? Eh ben Seb, impeccable. Qu'est-ce que tu fais de beau, Seb? Bon, moi ça va. Et toi, Seb? Eh ben rien, je rentre du boulot. Qu'est-ce que tu fais comme boulot, je Seb? Du boulot. Je suis peintre en bâtiment. Très bien, Seb. Faut toujours avoir des copains peintres en bâtiment. Oui. C'est comme vrai les plombiers. Ça dépasse. Tous artisans. Ouais, c'est intéressant. Tu vis où? À Béziers. Est-ce que t'as une chérie? Oui. D'accord. Non, j'ai pas fait de vanne. D'accord. Ouais, ouais. Non, j'ai pas fait de vanne. Ouais, j'ai un souvenir de cette ville de ouf. Vous aimez Béziers? Pardon? Non, je demandais si vous aimez Béziers. Ah oui, ouais, j'adore Béziers, ouais. Ok, salut, c'est Patrick, je peux faire une vanne? Non, tu me choisis la bonne personne. Tu me choisis ou Stouff, ou Jeff, ou Bichette, ou Bordas, ou Miko, ou moi-même. Tu gagnes l'argent dans l'enveloppe, c'est à toi de faire. Suspense. Là, j'y crois pas. Merci. Allez, je te choisis toi, Seb. Ah, merci Seb. Entre Seb, faut que tu me piles. Je suis un peu la loose en ce moment, hein. Oui. Tous ceux qui m'ont choisi. J'ai entendu ça, ouais. Bah alors, t'es pas stratégique. Eh ben voilà, ouais, je parle de l'enveloppe à 5 euros. Eh ben voilà. Non, la loose. Ouais, non, c'est 500, ouais. C'est 500. Seb, 500 euros, mon ami. Bravo. Bravo. C'est top, j'y crois. Te fais un gros bisou, je t'embrasse, embrasse tout le monde à Béziers. Pareil. Embrasse pareil. Ta chérie, fais les cadeaux de Noël, invite-la à dîner au restaurant, fais ce que merci, tu veux. Merci encore. Bisous mon pote, à bientôt. Bye, ciao. Vous aussi, ciao. A plus dans le bus. Bisous. Hello papi, mais qui bazar. J'entends des bails à 300 moins. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Mais comment ça, le monde est hyper. Tu croyais quoi, qu'on se verrait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja, y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Comment faire? Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Dans son Nakamura, je l'ai couché. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Tu jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, dja, dja. Y'a pas moyen, dja, dja. J'suis pas ta cata, dja, dja. Genre, en cas t'en as, baby, tu get ça. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, non. Y'a pas moyen, dja dja, ouais. En katana, baby, tu dettes ça. Dans mes bras. En katana, baby, tu dettes ça. Encatana baby, encatana baby, tu dois ça. Encatana baby, oh dja dja, oh dja dja. Attention Miko, en Katchana Baby tu dettes ça, n'oublie pas. Et je vous le dis à vous tous, le sujet, en Katchana Baby tu dettes ça, vous avez 5 minutes. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Pas trouvé, j'ai pas compris. Pas trouvé. Miko, qu'est-ce que tu manges le plus? Des coquillettes, du pépito, des pépitos. Une alimentation saine, hein, comme vous pouvez l'entendre. Ouais. Et bien on apprend qu'il y a un mec qui te bat avant qu'on ait le zap télé. Il y a un mec qui s'appelle Mike Roman, il a 41 ans, il habite dans le New Jersey. Tous les jours depuis 37 ans, il ne mange que des pizzas. Il mange des pains pizza, oh. C'est des pains margherita. Vous voyez le truc un peu, ouais. Ah, c'est pas le top pour la santé, il en mange 3 par jour. Il dit qu'évidemment c'est pas génial. Il dit que le repas est pas particulièrement spécial à ses yeux. Il vit dans la même ville depuis sa naissance. Il écoute toujours la même musique, il regarde toujours les mêmes films et les mêmes chaînes de télévision. Et il bouffe ses mêmes pizzas depuis 37 ans. Tristesse, c'est un peu triste quand même. Et il porte toujours les mêmes sous-vêtements, voilà. Ça, ça gêne pas. Pas des slips, hein, des caleçons. D'accord, non, non, des caleçons. Non. Des caleçons. Avec des champignons. Ah non. J'espère pas pour lui. Télévision hier, l'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Guy s'est malheureusement séparé de l'une de ses prétendantes. C'est qui Guy? Alors qui est Guy? Alors un agriculteur. Un agriculteur. Merci Bordas, parce que lui il suit tout, hein. Oui, lui il regarde. Lui, donc regarde. L'agriculteur s'est séparé d'une demoiselle. D'une demoiselle qui était complètement folle de lui. Ça s'est transformé un peu en friend zone. Je sais pas quoi te dire, mais entre nous deux ça pourrait plus continuer. Je veux pas te blesser de plus. D'accord. Comme tu veux, c'est pas un souci. Il faut quelqu'un de plus posé que moi, parce que moi je bouge beaucoup, je suis créatif. Tu l'as vu, quoi, tu le vois. Non, mais j'ai vu tout ça. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Mais non, non. On s'écrira. Oui, oui, pas de souci. Comme je dis, si tu as l'occasion de descendre, il n'y a pas de souci. Et je t'oublierai jamais, par contre. Eh bien, c'est gentil. Si je le dis, mais je n'ai rien à foutre. Je le dis, que tu bannes à moi, c'est une chose. Il n'a pas dit moi aussi. Ah ben moi non, il a dit moi, de sa tête, il y avait moi, je manque. C'est gentil, hein. Bien sûr, c'est gentil. Mais c'est parce qu'elle était vraiment folle de lui. Ah, alors, oui, oui. Heureusement, il lui reste une autre prétendante. Ah. Mais elle se barre. Bon, tu m'es reposé un peu. Je me suis reposé, mais j'ai réfléchi aussi. Oui. Donc j'ai décidé de partir. Eh bien, c'est. Eh bien, oui. Voilà. Tant pis. Eh bien. Bon, eh bien, c'est très bien. Entendu. Voilà. Bon, voilà. Eh bien, à bientôt, peut-être. À bientôt. Voilà. Allez. Au revoir. Au revoir. Eh bien, je vais le mettre sur YouPorn. Eh bien, je vais le faire les pornos. Un dernier. Allez, on va du côté des anges, ça vous dit un nouveau mot? La culture. Oui. Allez, c'est parti. Ça sonne un peu faux, mais il y a une petite chansonnette. Je pense que j'ai peut-être un futur en tant que harmonitrice. Harmonitrice. Harmonitrice. J'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire. Elle crée des paroles, donc elle est harmonitrice. Non, elle a joué de l'harmonica. Donc c'est l'harmoniste. Voilà. Ah oui, harmonicaïste, elle savait pas bien. Non, c'est pas de l'harmoniste. Harmoniciste. Non, harmoniciste. Harmoniciste. Ah ouais. Harmoniciste, c'est pas les gens qui sont racistes contre les harmonicas? C'est sorti, moi j'avais ça. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr, on peut être condamné pour ça. Hein. De l'harmoniciste, attention. Hein. Elle fait pas. Hein. Pénalement condamnable, c'est pas bien. I don't wanna like him, we be honest. Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave. See your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today with or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, tout à l'heure, 18h30, elle sera avec nous. Le hashtag cartonne. Le hashtag de ce soir, c'est Louane Chico et sur Énergie. Si vous voulez lui parler, tout à l'heure, on fera un truc où on prendra au hasard. Et comme ça, Louane pourra vous appeler directement. Ouais. Est-ce qu'on est toujours en TT France? Oui, on est numéro 3. Vous êtes les meilleurs, les amis. Je veux vous dire un truc, vraiment, je crois que vous êtes les meilleurs. Merci de nous suivre très nombreux tous les soirs. Bon courage si vous êtes dans la voiture. Soyez prudents. Merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast tous les jours avec un différé. Il y a peut-être qui nous écoutent le matin, à midi, avec ceux qui sont en train de manger pendant qu'ils réécoutent cette émission. Mais la vanne de Patrick Sébastien ne marche pas du tout, celle-là. Johnny, c'était l'idole. Laetitia, c'est l'idole. Ouais. Et là aujourd'hui un petit tollé sur les médias, les gens sont pas contents. Le mieux c'est de lui parler, vous êtes relié avec Patrick. Oui, normalement c'est bon, là. Allô, oui. Patrick. Allô. Ouais. Bonjour Patrick. Ouais. C'est quoi ces punchlines là sur Laetitia et Johnny? Oh putain, t'as entendu? Oui. Ah c'est drôle. Je l'ai écrit avec mon pote Tex. Parce qu'en ce moment il a le temps, alors on s'écrit des petites blagues, comme ça ça marche bien. Ouais mais là c'est un peu dur quand même. Comme ma bite. Ouais c'est vrai. Ouais, je vais vous dire, j'avais plus rien à foutre. J'avais plus rien à foutre depuis que j'ai été viré de France Télé. Moi j'ai plus rien à perdre et je dis tout ce que je pense. Avant la télé c'est que de l'amour, aujourd'hui c'est que de la merde. Et bim, je suis libre. Et je le dis, je suis complètement libre, moi je le dis complètement. Arrêtez, je suis libre, je dis ce que je veux. Arrêtez Patrick. Eh quoi, tu veux que je t'en fasse d'autres? J'en ai plein à la télé. TF1 sert à rien, France 2 c'est pour les vieux, France 3 tiens-la mon doigt, Canal Plus dans mon anus, Arte c'est tout pété, M6 c'est de la pisse, Énergie 12 c'est de la boue. Non stop stop, ça suffit. J'étais Patrick. Parti, j'avais une rime. Non mais arrêtez, calmez-vous et arrêtez de bloquer sur la télé, de toute façon il n'y a pas que ça dans la vie. Oh putain t'as raison. Ah, t'as raison, putain, je me recentrais sur ma chanson. C'est vrai que je suis sur scène avec mon spectacle, et ça, je sais faire. Et bah voilà. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite nouvelle chanson que j'ai essayé de la faire. Je vous la fais ou pas? Oui. Ah, tout avec moi. Ah, je suis plus sur France Télé. Y'a que des cons dans cette boîte. Hey, tiens, c'est voilà ma pine. Non, allez, sympa, non, je l'ai pas. C'est Coé, c'est le plus fort sur Énergie. À la radio, on peut plus rien dire non plus. Non. Ok, je vais sur scène alors. Comment puis-je oublier ce coin de paradis? Ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson.

Salut, moi c'est Bruno. Bruno optimiste. Eh oui, je positive tout. Par exemple, si les freins de ma voiture sont usés, je dis super. Et si mes pneus sont aussi usés, je dis trop super. Car en ce moment, chez Citroën, jusqu'à 320 euros de carburant sont offerts sur une sélection de prestations. Donc, plus j'entretiens ma voiture chez Citroën, et plus je fais de plein de super. Bref, super. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers, valable sur des travaux réalisés du 1er septembre au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détails sur citroën.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. Le Ford EcoSport pour aller au travail, c'est pas mal, non? D'un autre côté, le Ford Kuga pour aller en forêt avec les enfants, c'est top. C'est vrai, mais quand on va en soirée, il nous faut le Ford Edge. On a parlé l'EcoSport? Le plus dur, c'est d'en choisir un. Pendant les Ford Days, retrouvez la gamme Ford SUV à partir de 159 euros par mois. Les Ford Days, c'est chez Ford. LLD 48 mois, 40 000 km pour un EcoSport Trend 1 litre, 100 chevaux, premier loyer de 2390 euros. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 31 octobre, sous condition de reprise d'un véhicule éligible, selon stock disponible. Si acceptation par Bremen Elise, voir Ford.fr. Sur Énergie, découvrez les services d'EDF Entreprises qui simplifient l'activité des pros. Désormais, pour bénéficier d'offres de fourniture d'énergie adaptées à la consommation de votre entreprise ou simplement poser toutes les questions liées à la performance énergétique de votre activité, vous pouvez contacter EDF Entreprises au 3022. Nos conseillers sont à votre écoute, alors n'hésitez pas, un seul numéro, le 3022. Service et appel gratuit. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Intermarché vous propose d'écouter 2 plus 1 gratuit. Le meilleur, c'est les noirs. Hein. Mmh, c'est les bleus. Repasse-en un juste pour vérifier. Tiens, les bleus. Jusqu'au 4 novembre chez Intermarché, pour l'achat de 2 paquets de Megafed Dragibus Halloween Haribo, le 3e est offert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le paquet de 960 grammes. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Bon, tu me le files ce job? Pardon? On en est au 3e entretien. C'est bon? Tu le connais là mon CV? Tu veux quoi de plus? Tu veux mon groupe sanguin, ma couleur préférée? Non mais ça va pas. Non mais ça irait mieux si tu me faisais pas perdre mon temps. J'ai pas que ça à faire moi. Non mais franchement, mais regarde-toi! Tu ressembles à rien! Une chemise, ça se repasse mon vieux. Par chance, on ne se comporte pas en entretien d'embauche comme on se comporte sur la route. Au volant, restons calmes, restons en vie. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Moi, je suis une maman au top et surtout la reine des bonnes affaires. Mes courses de Noël, je m'y prends maintenant et je profite de l'anniversaire Maxi Toys. Tout est à moins 15%. Fini le stress de fin d'année pour acheter les cadeaux de mes enfants. L'anniversaire Maxi Toys, c'est du 22 au 24 octobre, dans l'un de vos 130 magasins et sur maxitoys.fr, voire conditions en magasin. Alors, voici SUV Citroën C3 Aircross d'occasion à 14 990 euros avec navigation connectée 3D et 3 ans de garantie offerte. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez dit occasion, vous avez dû vous tromper. Si, si, c'est une occasion. Chez Citroën Select, nos occasions ne ressemblent pas à des occasions. Pendant les 10 jours de l'occasion, SUV Citroën C3 Aircross file moins de 20 000 km avec navigation connectée 3D est à seulement 14 990 euros avec 3 ans de garantie offerte. Citroën. Offre valable dans le réseau participant dans la limite des stocks disponibles. Détails sur citroenselect.fr. Sur Énergie, l'équipe s'agrandit. Koé passe en mode public. C'est pareil, mais avec toi dedans. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. Merci de nous avoir choisis, j'espère que tout va bien. Dans un instant, nous aurons la compile du bio, puisque oui, en 2030, la France devra avoir une culture, c'est comme ça qu'on dit? Oui, non, ouais, c'est ça. Oui, des cultures 100% bio. Waouh. Voilà. Oh, je vous rassure, on sera tous morts avant. Voilà. Mais à partir de 2030, ça sera propre pour les purges, les prochains. Très bien. C'est une bonne nouvelle. Ah, on sera bien comme ça, sans bras, sans tête. Sans tête. On dira, t'as les légumes, t'as vu, ils sont bio. Bah, oui. J'ai plus de bouche. Ah, bah, oui, c'est vrai, bah, le maïs, il va passer de l'autre côté. Non, non, mais ça passe une bouche, on va débrouiller. Donc, non, mais voilà, ça va être impressionnant quand même. J'ai la liste des métiers qui plaisent le plus aux hommes. Le métier, et je vous préviens, il y a une énorme surprise à l'intérieur. Métier, ah ouais, que les femmes font. Vous savez qu'il y a toujours des métiers qui font fantasmer. Oui, je, ouais, vous le dis tout de suite, demain, j'aurai le classement des métiers d'hommes qui font fantasmer les femmes. Là, j'ai le métier des femmes qui font fantasmer les hommes. Les hommes. Et il y a une énorme surprise, j'ai le top 10, les amis. Je suis branché, moi. Les petits clous. Salut les petits clous. Cette semaine, j'ai le classement du top 10 des jobs de femmes que les hommes trouvent sexy. Dixième position, coiffeuse. Ok. Moi, ouais, j'ai toujours trouvé ça très sexy. C'est vrai, la coiffeuse, ah, elle, ouais, sent bon. Ouais, elle est propre. Voilà. Tu vas y aller propre, elle sent bon. La coiffeuse, Thomas, le crâne. Oh, 9e, la policière. Ah oui, ça, ça c'est sexy. Ouais. C'est vrai, les amis. 8e, la comptable. Oh, oh non. n'a pas les mêmes. Hein. Non. Septième, la banquière. Non plus. Non plus. Sixième, l'hôtesse de l'air. Ah oui, oui. Ah bah, et ça, oui. Tu l'as tant que t'as pas pris l'avion. Et puis après, tu prends l'avion. Et le truc redescend. Cinquième, coach sportive. Ah oui. Et je sais ah ce ah que oui, vous vous dites. Vous dites, mais le fantasme qui a été numéro un pendant des années, je l'ai toujours pas entendu. Est-ce qu'il est dans les quatre premiers? Quatrième, professeur des écoles. Troisième, responsable en communication. Deuxième, marketer. Donc ça doit être ceux qui font du marketing. Yeah. Et première, avocate. Hein? Et vous ne vous trompez pas, je n'ai pas dit infirmière. Bah oui, c'est l'infirmière a disparu complètement du classement des métiers qui font fantasmer les hommes. Alors je vous dis un truc. Avant l'arrivée de Louane, vers 18h15, je mène l'enquête. Je vais appeler les infirmières. Je veux rétablir l'infirmière au top du sexy. C'est... Ouais, ça, c'est les crocs. Mais c'est, ça, c'est exactement. Ça, c'est les crocs. Pendant des années, elles ont négligé les pieds pour le confort des chevilles. Voilà le résultat. On n'est plus dans le classement. Je vous appelle tout à l'heure. Allez, montez le son. Dans un instant, la compile. Si no pues tú no ven. Esta noche llego a hacerme con el parque. Esta noche me floco como Yandel. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Dam, dame, dam, dam, dam, dam, dam. La gente me echa. Bogotá para rumbear y voy a balanzar. No llego a todos a Vipona. Y en el oriente todo quiere fiesta y bailar. La gente me echa. La gente quiere que te rumba ya la vea. Quiero el ritmo sin ley. El papi. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate el tren, mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente avec nous, voici la compile du bio. Je vous le disais, alors que d'autres tout à l'heure, nous allons rétablir les infirmières dans le classement. Ah, j'espère. Les infirmières, vous m'écoutez, vous êtes infirmière, vous ne comprenez pas ce classement qui est tombé, vous n'êtes plus dans les professions fantasmées par les hommes. 0800 70 42 48, appelez-nous. Il n'y a pas l'esthéticienne non plus. C'est non vrai, plus. On en parlera de tout ça tout à l'heure. Voilà, l'infirmière était toujours dans les trois. Ah oui, oui, c'était le fantasme. Ah oui. Grosse chute du Nasdaq de l'infirmière. Ah, la bourse, là, l'infirmière s'est effondrée. Donc vous êtes infirmière, vous ne comprenez pas. Vous êtes une infirmière sexy, vous dites je fais tous mes efforts, j'ai mis mes crocs qui vont avec ma blouse. Dites-le-nous, 0800 70 42 48. Donc je vous le disais, à partir de 2030, d'ici 2030, 100% des agricultures françaises seront donc bio. Il n'y aura plus de pesticides chimiques et industriels. Mais c'est bien ça. Pas mal, c'est bien ce principe. Voici donc la chanson « Quand t'achètes des légumes bio ». Je veux vivre, pas les naïfs, les naïfs. Je veux vivre, vivre. peu de faudelle en même temps, ça fait longtemps. Ah ouais. Il y a également la chanson « Si tu prends des légumes pas bio ». Il y a également la chanson que la caissière te chante quand t'achètes des légumes pas bio et vraiment pas cher. Mon poivron. Mon cornichon. Ah, ça vient ça. Il y a également la chanson que tu chantes à la caissière quand t'achètes des légumes bio. Ah. Quitte à tout prendre, prenez mes gosses et la télé. Mais c'est vrai que c'est cher. Ma brosse à dents, mon revolver, la voiture, ça c'est déjà fait. Et si tu manges pas bio, vous savez maintenant, on vous l'a dit, il y a plein de saloperies, vous risquez le cancer. D'ailleurs, il y a la chanson du cancer si tu manges pas bio. Chimie, chimie, chimie, chimie. Non. Oh non. Moi je valide pas dans. Il y a également la chanson si tu continues à manger bio même quand tous les autres seront morts. Je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Et puis évidemment, ça donne des malformations. Vous savez qu'on dit que les pesticides, etc. Il y a la chanson des gens d'ailleurs qui ont eu des malformations à cause des pesticides, mais qui s'en foutent complètement. J'ai la caquette qui colle, j'ai les bonbons qui font des bons, j'ai la caquette qui colle, dansons sur le pont d'Avignon. Moi, avec une chanson, tout passe. Bienvenue sur Énergie. Dans un instant, nous descendons dans notre studio en bas, nous mènerons l'enquête sur les infirmières. Nous vous racontez-nous vos pires vacances, puisque c'est le moment, il y en a peut-être qui vivent des vacances terribles. Et Louane sera notre invitée. To look down at you. Things gonna be laissez-moi regarder, mais il y a beaucoup de jeunes dans ce public. Ah, mais oui! Il y a des enfants, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est normal, les amis, on a Booba qui vient de tout à l'heure. Ah, vous vouliez voir Louane? Non, c'est demain. Non, c'est Booba aujourd'hui. Mais oui. On recontinue. Ça va, ma chérie? Oui. C'est quoi ton prénom? Alia. Alia, c'est pas aujourd'hui, Louane. Aujourd'hui, on reconstitue la baston Boubacaris. On va mettre des parfums. On va faire un bruit d'aéroport et on va balancer des parfums. C'est dommage. Tu aimes bien Bouba? Non. Elle est déçue. Apparemment, non. Je ne lui dirai pas parce qu'il va mal le prendre. À côté, tu es venu voir Louane? Oui. Oh. Ah. Tu l'aimes beaucoup? Oui. Ah, dommage. Et Bouba, tu l'aimes bien? Non. On verra si tu lui diras en face. Louane sera notre invité dans quelques minutes. Elle sera là. Elles sont trop mignonnes. J'adore le... Non. Non. Non, merci, non. Elle sera là tout à l'heure. Tiens, ça c'est le nouveau titre avec Julien Doré. Alors, excusez-moi, elle va nous chanter? Mais non. Mais est-ce que vous voulez que je fasse Julien Doré? Je peux faire Julien Doré, moi. Ah, tu fais bien, c'est vrai, c'est vrai. Tu fais bien, ouais. Il faut plus de son en fait. Non, arrête, tu as une belle voix. Non, je déconne, mais il a un peu une voix comme ça. Avec le voile. Ouais, attends. C'est Renaud, ça. Ouais, c'est vrai. Vous voulez pas qu'on fasse un duo Louane-Renaud? C'est plus facile. Ouais, t'es venu. Ou alors un duo Louane-Georges Brassens. Quand t'es venu là, on fait le duo tous ensemble. Allez, tous avec moi. Non, mais je sais pas. Non. Quand on était beau, on chante toutes les chansons avec le même air. Bon, c'est le jour 1 qu'on retire. Merci de nous avoir choisi. Louane sera notre invité tout à l'heure. Je rappelle le principe, le hashtag Louane chez Coé sur Énergie. Il est simple, il cartonne sur Twitter. Évidemment qu'on est numéro 1. Ou non, pas numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 3. Et les gens sont premier degré, ils pensent vraiment que Louane ne viendra pas. Hein, non, c'est une blague. Hein. Mais je crois que les gens sont devenus premier degré. C'est fou, en général. Je crois qu'il n'y a plus de second degré. C'est dingue. Je crois qu'il n'y a plus de. Mais pourquoi? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça, c'est ce que c'est? C'est quoi? Pesticides. C'est ça. Ah ouais, ouais. Ça, c'est le glyphosate. Ah, Monsanto, ça. Avant, ah, bon, les gens, ils avaient de l'humour à cause de Monsanto. C'est fini. C'est fini. On parle des trucs sans bras, on parle plus de l'humour. Monsanto. Je vous le dis, moi. Vous verrez, on en parlera dans quelques jours. Bon, donc, Louane sera notre invité. On parlera de l'album, on parlera de pas mal de choses. J'ai plein de messages à lire. On a reçu beaucoup de messages, paraît-il, d'infirmières qui ne sont pas contentes de ne plus être dans le classement des métiers les plus sexy. Pour les mecs, donc Là j'ai un paquet d'infirmières. Alors là, elles sont en rasera parce que elles vont gueuler. Est-ce que sous la blouse, et ben il y a plus le droit aux petites tenues. Les jeans, c'est des shorts. On en parlera dans un instant. Les filles, appelez-nous 0870 42 48. On aura l'appel promo dans un instant. Vous nous parlerez de vos pires vacances. On fera un concentré de ceux qui passent des vacances pourries. Je lis quelques-uns de vos messages. Allez. Ouais, on en a plein. On a un message de Jérém On Air qui dit: salut Coé, j'aimerais que tu réalises mon rêve. J'aimerais au moins, même si ce n'est que 30 secondes, animé énergie, Antarctique, sweatshirt. Ah, c'est le mec qui était là hier? Non, non, il n'était pas là hier, mais il a réagi au nom qu'on est, au mot qu'on éplait. Ah d'accord, je croyais que c'était lui qui était venu hier. Non, bah, alors je vais te dire un truc, Jérém On Air, viens nous voir quand tu veux dans le studio, tu t'inscris, coépublic@energie.com. Et c'est pareil pour ceux qui viennent nous voir dans le public, s'il y en a vraiment un jour qui veulent faire de la radio, je leur laisse le micro à la fin. Hein, on va pas prendre de risque. Hein. J'aime le risque, mais calculé. Donc, non, mais on sait-on jamais. Ah, bon. C'est déjà gentil de laisser le micro. Non, mais le gars qui veut apprendre à jongler, tu lui donnes pas des haches, quoi, c'est ça que je veux dire. On va y aller doucement. J'adore ces images. Je vous lis quelques autres messages. Message de Wendy. Coé, toute l'équipe, je suis actuellement en train de réaliser mon grand rêve, vivre un an à New York. Ça, c'est trop bien. Je suis ici en tant que jeune fille au pair, même si je vis dans cette ville magique. Ce n'est pas une aventure émotionnellement facile, qui plus est, de me retrouver seul, loin de ma famille et de mes amis. Je tiens à vous remercier pour me soutenir quotidiennement, d'être avec moi et de me faire rire. Sachez que tous les jours, il y a une jeune fille qui se balade dans les rues de New York, la tête levée vers les buildings et qui rit aux éclats en écoutant vos podcasts. Avant de partir dans cette grande aventure en décembre, je suis venu assister à une émission publique car vous faisiez partie des derniers rendez-vous que je voulais voir avant de partir. Et vous faites partie des premiers que je veux revoir en rentrant. C'est mignon. Merci. Ça fait plaisir. Merci pour la bonne humeur et les rires. Signé Wendy, PS, mention spéciale pour Bichette. Même si les douches ne sont pas quotidiennes, tu gères les podcasts. Ah. Il est crado, mais il est pro. Il est rigolo. Je vais faire un t-shirt comme ça. Moi, je suis crado. Je suis crado, mais je suis pro. Crado, mais pro. Message de Jérémy. Je rigole, vous savez que je rigole parce qu'il se lave pas tout le temps. Pas c'est les cheveux. Et c'est j'ai l'impression cheveux. Que c'est un peu mon fils. Tu sais, là, t'as la, douche, ça, t'as la douche qui coule, tu vas à la salle de bain, t'entends couler pendant une demi-heure, il sort, il a les cheveux secs. Sec. Donc je sais pas comment il fait, il doit être sous la douche avec la tête qui sort comme ça. Ça doit pas être facile de prendre une douche avec. Avec un sac plastique. Non, sur mais des tête. Fois je lui dis, tu ah, galères, bon, je vais te mettre un Ninja Warrior. Tu galères. Parce que cette position dans la douche, elle est pas facile. Un message de Jérémy. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jérémy, je t'envoie. Je ne l'envoie pas, il n'appelle presque jamais, mais j'écoute votre radio dès que je peux en travaillant en restauration. C'est un peu compliqué, je trouve ça vraiment bien ce que vous faites avec toute l'équipe pour le moment. La personne qui m'a le plus touché, c'est la dame à qui vous avez téléphoné, qui a gagné une grosse somme en te choisissant. Et après, vous avez passé sa petite fille, c'était touchant. On a entendu sa voix, vous m'avez aidé. Un grand bravo, une excellente continuation. Gros bisous, Jérémy. On t'embrasse. Oshi, qui sera notre invitée demain, elle sera là. Sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Elle a joué hier avec nous, c'était le hashtag petit, je jouais tout le temps à. Ouais. Et elle a mis Pokémon. Mais en fait, j'y joue toujours. Oups. Ok Oshi, t'as bien fait de nous le dire. Ouais. Je pense que demain nous allons faire une idée de jeu avec Oshi. Ah c'était vraiment Oshi qui nous avait répondu. Ouais. Oui, ouais. Oui, il y a un autre auditeur qui nous dit tiens Koé, une suggestion pour l'émission de mercredi avec Oshi, vu qu'elle aime les Pokémon, il faudrait peut-être trouver un petit costume de Pokémon. Ah ouais, un Pikachu. Rendez-vous demain. Merci pour l'idée. Ça va être bien, je viens d'avoir l'idée. Il y a un message qui dit salut Koé, est-ce que tu pourrais diffuser le dernier single C'est Vuelte Loca Spanglish du groupe Phénomène CNCO. Putain, d'accord. S'il vous plaît, merci. Hashtag CO in France. C'était CNCO. Ah, on l'a fait, on l'a ah pas bah dit. Oui, on l'a fait. Il y a un petit bout. Elle m'en a un petit bout. Ah, voilà. Voilà, tiens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'en fais un dernier. Allez, oui. Allez, Clara qui est venue trop contente d'être en vacances pour pouvoir écouter Koé officiel. Elle est sur l'appli Énergie. On te fait un gros bisou. Et le dernier de Andrea. Je voulais vous dire que je suis un grand fan de toi et de ce que tu fais. Je t'avais vu quand vous étiez venu avec toute l'équipe à Nick Lolland. Oui, je fais aussi de la radio sur BJR Radio, Jeune Radio à Reims, bien évidemment. Et mon plus grand rêve, ce serait de venir faire de la radio. Allez, encore un deuxième. Allez, qui va nous niquer le boulot. Je te remercie beaucoup, Koé, en attente de ta réponse. Bien, Andrea, tu viens quand tu veux nous voir, Andrea. Voilà. C'est pas pourri, hein. Ah, tu vois, moi j'aime bien. Hein, moi j'aime bien. Non, parce que des fois, il y a des gens, des fans, ils nous envoient des musiques. On est... Mais là. C'est soleil. C'est pas mal. Écoute le refrain après. Franchement, il est encore, c'est encore plus soleil. Plus soleil que ça. Plus soleil. Et tu brûles après. Parce que là, c'est... là t'es quand même. T'as cramé. Ah, tu y es déjà là. Là, j'ai pris une couleur déjà. Je te jure, j'ai pas mis de crème en plus comme un con. Il chante quand il arrive. Juste quand là. Enfin. D'accord, ça tombe bien parce que. Attention. C'est bien. Comment? C'est un peu déjà entendu. Oh, il y a beaucoup de musique latino. Bienvenue sur Énergie, merci d'être avec nous. J'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme. Dans un instant, nous aurons notre appel promo. Aujourd'hui, j'appelle les Kiabi. Il y a des micros dans les Kiabi. Oui, bah oui. Prix. D'accord. Et ben, on les appelle, ils font notre promo dans le magasin. On sera heureux, vous tous, vous nous parlez de vacances. Et Louane dans quelques minutes. Are you drunk or no? Now that judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm healing on energy, taking control. I'm speeding up, my heartbeat's dancing alone. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You are saying tonight. Cause I need Quelque chose. Bah taisez-vous alors. Non, ça fait oh, la violence. Tu parles pas comme ça mais il y a des enfants. Tu parles pas comme ça mes auditeurs s'il te bah, plaît. Bah j'ai plus rien à dire alors. Bah tu sors. OK, j'ai bien. Va faire un tour. Comment le dire poliment? Bah ne faites pas de bruit s'il vous plaît. Paris. Oui. Tais-toi. OK. C'est bon. Bon les amis, juste pour vous dire que tout à l'heure, nous aurons avant 18h30, avant l'arrivée de Louane, nous aurons le coup de fil, faut quand même qu'on règle le problème de ces infirmières oui. qui sont sorties du classement le, oui. des femmes des métiers que les hommes trouvent sexy. Ouais. On a pas mal d'infirmières, tu m'en mets plein dans un instant. Nous aurons le coup de fil à un Kiabi quelque part en France pour faire notre appel promo et puis alors je vais vous lire l'histoire d'une dame parce que des fois quand ça a pas de chance, ça a pas de chance. Il y a une dame du côté de la Seine-Maritime, une conductrice qui a perdu le contrôle de sa voiture, elle est tombée dans un ravin. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Pas de bol, au fond du ravin, elle est tombée sur un nid de frelons asiatiques. Oh là là, merde. J'ai envie de dire, repas de bol. Ah ouais. Et là, les mecs ont voulu la venir la chercher, ils ont dit, il y a des frelons. Ah bah non, laissez-nous nous équiper. Donc le temps qu'ils s'équipent, oh. ils sont descendus, elle était juste, elle est légèrement blessée, plus quelques piqûres, mais ça va aller. Oh on dirait un scénario de film catastrophe, tu sais. Tu tombes, t'as les frelons, ensuite tu sors de ta voiture, tu te fais poursuivre par un alligator enragé, tu te retrouves un petit refuge, mais c'est la maison de Guy Georges. Enfin, quand ça veut pas, ça veut pas. A tout de suite, on revient, bougez pas. Vous êtes invité sur le tapis rouge de cœur. Avec les stars Energy. C'est David Guetta. Écoutez Energy. Toute la journée. Dès que vous entendez le double hit Energy. Avec deux titres de David Guetta à la suite. Appelez Energy 3937. Et gagnez vos invitations pour assister à la plus grande cérémonie musicale en Europe. Les Energy Music Awards. Le 10 novembre à Cannes. Energy. En ce moment dans les magasins U, ce sont les ventes privées live. Karim demande à une responsable du rayon frais. Je suis un peu pressé, vous auriez un bon jus de fruits? Le pur jus réfrigéré innocent, pomme framboise, pomme mangue ou pomme poire pêche. Pour une bouteille de 900 ml achetée, la seconde est offerte, soit les deux bouteilles à 1,99€. 1,99€, vous savez aussi presser les prix. Oh, quel esprit! Mais n'oubliez pas, les ventes privées live, c'est jusqu'à samedi dans les magasins U participants. Liste sur magasinu.com. 1,11€ le litre, transformé en Union Européenne. U. Commerçons autrement. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de feu vert. Frein fatigué, mais budget serré. Pour vous, je sors mes griffes. Jusqu'au 27 octobre, les plaquettes de frein Bosch et Valeo First sont à 1 euro. Oui, j'ai bien dit 1 euro. C'est imbattable. Et 9 clients sur 10 qui recommandent feu vert, c'est ça la patte de l'expert. Offre soumise à la pause dans votre centre. Conditions sur feuvert.fr. Moi, je suis une maman au top et surtout la reine des bonnes affaires. Mes courses de Noël. Je m'y prends maintenant et je profite de l'anniversaire Maxi Toys. Tout est à moins 15%. Fini le stress de fin d'année pour acheter les cadeaux de mes enfants. L'anniversaire Maxi Toys, c'est du 22 au 24 octobre. Dans l'un de vos 130 magasins et sur maxitoys.fr. Voir conditions en magasin. Conforama, le confort pour tous. Encore un bon plan chez Conforama. La télé Samsung 138 cm Ultra HD est à 499€ au lieu de 699. Un grand écran à ce prix-là, c'est cadeau. Conforama, 200€ remboursés par Samsung jusqu'au 4 novembre. Conditions en magasin sur conforama.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement, avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Salut, moi c'est Bruno. Bruno optimiste. Eh oui, je positive tout. Par exemple, si les freins de ma voiture sont usés, je dis super. Et si mes pneus sont aussi usés, je dis trop super. Car en ce moment, chez Citroën, jusqu'à 320€ de carburant sont offerts sur une sélection de prestations. Donc, plus j'entretiens ma voiture chez Citroën, et plus je fais de plein de super. Bref, super. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers, valable sur des travaux réalisés du 1er septembre au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détails sur citroën.fr. Donc selon les prévisions, pour le troisième trimestre... Tu vas la passer plus vite, ta slide? Pardon? Ça fait une heure que t'es dessus, là. C'est bon, on a compris. Si tu te traînais pas, on l'aurait torché en 10 minutes, cette réunion. Attends, tu me parles mieux, s'il te plaît. Mais je te parle comme je veux, espèce de... Quoi? Non mais comment tu m'as traité? Bah de... Mais va te faire... Oh là là, tu changes de ton, mes mères, hein. Non mais c'est toi qui changes. Par chance, on ne se comporte pas en réunion comme on se comporte sur la route. Au volant, restons calmes, restons en vie. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. En octobre chez Ford, le compte à rebours est enclenché. Le monde n'a jamais connu ça. Serez-vous au bon endroit, au bon moment? En octobre, chez Ford, profitez des Ford Days avec un crédit 0% sur l'ensemble de la gamme, ainsi que la TVA offerte. Les Ford Days, c'est chez Ford. Offre TVA sous forme de remise de 7,67% sur le prix hors option maximum jusqu'au 31 octobre. Crédit auto 0%, 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit jusqu'au 31 octobre. Voir Ford.fr. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Sexy. Et dans un instant, Louane sera notre invitée d'ici quelques minutes et on va passer un très bon moment. Je remercie. Il y a évidemment des enfants qui sont venus parce que Louane a un public très très large. C'est vrai que c'est génial ça. Ouais. Et elle a un public d'enfants, une jeune fille qui s'appelle Ombeline. Ombeline, oui. Ombeline, vas-y, dis-moi aussi si je me trompe, qui m'a donc offert des fruits. Merci pour les pommes, Ombeline. J'ai mis la vidéo. Allez faire un tour sur mon Instagram, Koé officiel. Je l'ai mise dans la story. Vous allez voir comme elle est mignonne cette jeune fille. Merci ma chérie. Je prends une courgette. C'est les Quality Street, mais les Quality Street, c'était pas des boîtes en métal avant? Oui, tout se perd. Ah oui, mais toi, t'étais pas né, Ombeline, mais nous, on bouffait ça. Et les Quality Street, il y en a toujours. Vous avez vu, quand vous avez ça chez vous, il en reste toujours 15 à la fin, les plus pourris que personne veut. Ouais, absolument. C'est vrai. Il y a une race de Quality Street, les gens, ils font le tri. Généralement, quand tu mets les Quality Street, les gens, ils sont comme ça, ils font. Ils choisissent. Pas celui-là. Oui, je vais c'est vrai. Pas celui-là. Et à la fin, il reste les pourraves. La même couleur à chaque fois. Mais tu sais, c'est comme les chocolats. Comment ils s'appellent ces chocolats-là? Où il y a toujours des trucs avec de la ganache, que quand tu les manges, j'ai jamais compris pourquoi on met de la ganache dedans. Ah, les Champs-Élysées, là, les trucs. Non, les petites boîtes, là, où il y a des, on en achète plein. Et y a des... C'est pas Jeff de Bruges ? Si, c'est Jeff de Bruges. Y a... enfin, je sais pas, je sais peut-être pas vous, mais ils en mettent avec ceux qui sont bons, les chocolats. C'est ceux qui sont chocolat noir. Oui. Ceux qui sont pralinés. Oui. Ceux qui sont un peu avec du feuilleté à l'intérieur. Ouais. Oui. Mais cette ganache marron dégueulasse, personne n'en veut ça. Il y a de l'alcool aussi. Mais c'est ceux qui te mettent le plus. Arrêtez de mettre ça, personne n'en veut. Il n'y a personne qui a osé leur dire. Moi, je vous le dis, monsieur De Bruges, personne n'aime ça. Voilà. Voilà, Jeff, Michel De Bruges, toute la famille De Bruges, les gens de Bruges, je vous le dis, c'est pas bon. En parlant de chocolat, il y a une jeune fille qui s'appelle Églantine à qui on fait un gros bisou. Elle dit qu'elle nous écoute dans les embouteillages, elle nous a envoyé des chocolats de chez qui ? Gilles Créneau. Il se garde toujours bien, le mec. Les yeux fermés. Dès qu'il arrive, les yeux fermés. Hop là, c'est qui ? C'est Gilles Créneau. Allez, Gilles Créneau. Allez, avant de faire le coup de fil, si vous êtes d'accord, on fait un petit point. Les infirmières dans un instant. Enzo, qui est en ligne depuis tout à l'heure, on fait un point sur les mauvaises vacances. Si vous passez des mauvaises vacances, 0870 42 48. Enzo, les vacances, c'est comment ? Ça va bof, mais. Pourquoi, mon grand ? Qu'est-ce qu'il y a ? On dit bonjour à son coco d'abord. Bah bonjour, déjà. Bonjour. Eh ben, tu as raison. Bonjour, déjà. Le commissaire de police, bonjour. Déjà. Ça va, Enzo ? Bah oui, et vous ? Ça va très bien. Ça va, tout le monde est là, il y a Stouf, il y a Miko, il y a Jeff. Bonjour, y a, Enzo. Il y a Bordas, mais je suis sûr que tu t'en fous. C'est qui ? Alors, et il y a Bichette qui réalise, enfin, qui essaie. Alors, Enzo. Allez, ça. Deux taquets, bim, bim, bim, bim, bim. Une caresse, une claque. Crado, mais pro. Enzo, je t'écoute. Alors pourquoi les vacances sont pas bonnes ? Bah en fait moi je suis chez mes grands-parents souvent et en fait là-bas il n'y a pas de connexion. Il n'y a jamais de connexion. Et aujourd'hui je crois que pour un ado sa vie s'arrête avec la connexion. Ouais. Hein. Oui. Pas de wifi, pas de vie. Non, il n'y a pas que ça. On est en fait on est un peu paumé au milieu de nulle part et je peux rien faire. Et je peux rien faire sans qu'il m'interrompe. Oh. Par exemple, cet après-midi, je devais faire des crêpes moi-même. Ouais, quand t'as plus rien à foutre, t'en es réduit à faire des crêpes. Ça, c'est l'activité de vacances. On a tous vécu ça. Bah, y a plus rien à faire, je vais faire des crêpes. Ou le gâteau yaourt. En plus, il y a. C'est le fight Caris Booba, mais à 7 ans. Et donc. Et du coup, mes parents, enfin mes grands-parents, faut que je regarde des émissions pourries. Ouais. Et il y a qu'une télé. Mais t'es parti sur les crêpes là, t'as changé d'histoire. Je comprends rien. Enfin non, mais c'est en fait, il y a pas de connexion. Il faut faire des crêpes. Ouais, tu t'embêtes quoi. Je m'emmène des pinceaux parce qu'il y a pas des deux secondes, il y a mon frère qui est là. Ah, j'ai senti qu'il était pénible. Oh, dis-lui que t'es avec Coco. Dis-lui que t'es avec moi. Voilà. Il y a pas de connexion. Oui. Et aussi, quand il regarde des émissions toutes pourries. Et moi, j'ai rien à faire toute la journée parce que mes copains habitent loin d'ici. Moi, je veux bien lire un bon livre. Enzo, tu racontes les histoires, on dirait Bordas, j'y suis. C'est moi, jeune. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais vous présenter les deux. Tu es son stagiaire. Je te fais un bisou, Enzo. Je t'embrasse, mon chéri. À bientôt. Bisous, mon grand. Je t'embrasse. Bonnes vacances. Fais des crêpes. Alors, vite avant d'avoir Louane. Les infirmières. Les amis, c'est un drame. Je vous redis le classement si vous n'étiez pas là. Les infirmières sont sorties du classement des métiers que les hommes trouvaient très sexy. Je vous redis le classement. 10e, coiffeuse. La coiffeuse, oui. Là, la coiffeuse, elle a un petit côté. Ah, c'est une valeur sûre. C'est, ça, c'est le penchure. Hein. Oui, c'est ça. Penchure, si vu quoi faire votre service, j'écoute. Hein, oui. c'est ce petit côté, les cheveux plus longs d'un côté que de l'autre, des couleurs imprévues. Oui. Tu sens qu'elles ont essayé des trucs sur elles. Voilà, c'est des trucs comme ça. Donc, coiffeuse, policière, comptable, banquière, hôtesse de l'air, coach sportif, professeur, responsable communication, marketeur, avocat, mais plus infirmière. Julie, qui est infirmière, qui nous a appelé. Première réaction, Julie. Salut, Coé, salut toute l'équipe. Salut, ma chérie, tu es infirmière où ? Dans un hôpital en Ariège. Première réaction, pourquoi n'es-tu pas dans le classement ? Mais je suis outrée. Je sais. Ouais, c'est moche. J'aurais aimé vous avoir dans d'autres conditions quand même. Ouais, je sais. Parce que toi, tu crois que ça fait toujours fantasmer les hommes, l'infirmière ? Moi, je crois que oui, hein, mais bon. Mais quand même, dites-moi votre avis. Ah, moi, oui, mais... Métier. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que des fois, les malades te draguent encore ? Ça peut arriver quand même, ouais. Ah, ça peut arriver, c'est pas fréquent, ne bouge pas, je te passe Betty. Betty, infirmière à Limoges. Betty, première réaction, vous n'êtes plus dans le classement des métiers les plus sexy ? Moi, je trouve ça inadmissible. Ah, ouais, là, on touche un problème du doigt. Répondez, monsieur Bourdin, oui. Et donc, Betty, oui, ça t'attriste, tu pensais que t'étais encore dans le classement ? Ben oui, c'est après tout, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce métier quand même. Mais je sais, on a... les filles, je vous rajoute Marie-Jo qui est infirmière à Lyon. Ça va Marie-Jo? Oui, bonjour. Salut Marie-Jo, oui, alors bonjour, t'es... Énergie. Marie-Jo. Énergie. Ah bah oui, mais je suis aussi outrée, mais je comprends. Parce que les infirmières ne portent plus de blouse. Ah. Et on ne sait plus ce qu'il y a en dessous. Les avocates, elles sont en première parce qu'on pose la question, mais qu'est-ce qu'elles ont porté en dessous? Oui, les infirmières qui portent plus de blouse, en portant des pantalons et des tuniques. Donc ça fait plus tellement fantasmer. Mais il est vrai que, par contre, il y a des patients, c'est vrai que, qui me font toujours des yeux doux. Mais je ne comprends pas. Pendant ce temps-là, je fais des, attendez, je fais des coucou à Louane. Elle a été trafiquée, je ne sais pas quoi. Mais c'est pas normal. Pendant ce temps-là, je fais des coucou à Louane. Les infirmières, okay, quand même, il y a toujours. Quand on dit qu'on est infirmière, il y a toujours on dit ah, oh, c'est infirmière. Pendant ce temps-là, je fais coucou à Louane. Comment? Non, rien. Non, pendant ce temps-là, il fait coucou à Louane. Pendant ce temps-là, je faisais coucou à Louane qui fait un Insta Live en même temps. Marie-Jo, et je terminerai par cette question. Julie, Betty, Marie-Jo, est-ce que cela n'est pas dû au port exagéré de la Crocs? Absolument pas d'accord. Ah, unanime. Les filles, si la crosse, si c'était sexy, non, les filles. Blouse. Mais enfin, blouse. Les filles, si vraiment c'était sexy, la famille Kardashian ne mettrait pas des Louboutins, elle mettrait des Crocs, ah bah c'est oui. Moins cher. Non, je pensais la blouse. Mais parce qu'il est arrivé des infirmières qui ne portaient pas de sous-vêtements hein, sur la blouse, donc c'est pour cela. Ah c'est oui, ça. Mais ça c'est dangereux. Vous savez quoi, les filles, je propose qu'à partir de demain, vous mettiez des pancartes. No Crocs in job. Je pense que no Crocs in job, vous mettez ça, vous respectez, je dis l'année prochaine, vous re-rentrez dans le classement. Ok, un Louboutin, ça marche. Je suis pas sûr, on essaiera. On valide, je vous fais des bisous, les filles, je vous embrasse. Et continuez parce que trêve de plaisanterie, vous faites un métier pas facile avec des horaires de dingue et des fois vous avez des gens insupportables, donc je vous embrasse fort, les infirmières. Gros bisous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr. Même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute. Elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait elle m'attire, comment lui dire, une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe, mon cœur va chez là pour toi ma bella, aïe, aïe, aïe, aïe, hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe, d'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin, aïe, aïe, aïe, aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. Give me dance now, can't move on. Oh, my girl so sexy. The way she dance so sexy. So she give me love sexy. You may give me once more sexy. Yeah. With your sexy body, come and chop my money, yo. Aye, aye, aye, aye. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Aye, aye, aye, aye. Make we my they go, baby girl, so. Aye, aye, aye, aye. Make you follow me, go make you drop all my money. Elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Hey ma bella, hey, aïe aïe aïe aïe, mon cœur va chier là pour toi ma bella, aïe aïe aïe. Dans quelques minutes, Louane sera notre invité. Dans 4 minutes exactement. Et bon, on va faire un Facebook Live après la pub de 50 et vous la verrez chanter, elle sera avec nous. Et n'oubliez pas le hashtag Louane chez Koé sur Énergie. C'est uniquement avec ce hashtag que je pourrai vous appeler tout à l'heure. Et c'est même Louane qui vous appellera. Moi je partirai en retete. Voilà, c'est elle qui fera le boulot à ma place, c'est elle qui fera l'émission. Pour l'appel, on a le temps de faire l'appel promo. Oui. Je rappelle le principe, on vient d'arriver il y a quoi maintenant? Il y a 27, deux mois.

by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone, a someone. Aujourd'hui, Louane s'installe chez Koé sur Énergie. Mec, qui s'arrête jamais. Louane, Louane. Alors, on va reprendre avec Cyril Hanouna. Allez, vas-y, tu retournes. Allez, vas-y. Louane, Louane. Voilà. Jour 1, amour numéro 1. Pas mal. Tu la griffouilles? Je la griffouille, j'arrive tout de suite. Ah, non, elle est notre invitée. Non, je sais pas. Pas là, non. C'est quand le 9 non. novembre non, c'est quand verser. Quand 9 novembre, c'est quand le 9 novembre, c'est un jour avant les NRG Music Awards, oui. Vendredi. En plus, on sera à Cannes, tu viendras nous faire un bisou. On va fêter le 9 novembre la réédition de ton album. Ouh. Donc voilà, ça sort le 9 novembre. Et ça tombe pile poil le jour où on fera l'émission en live des NRG Music Awards, oui. La veille. Et on va fêter ça. Oh, faudra qu'on fasse une petite surprise pour fêter ça. Faudra qu'on trouve quelque chose. Ok, carrément. D'accord. Ok. Je vais réfléchir. J'ai 2-3 idées. Vas-y, on se parle. Non, ce sera non, on se parle pas, sinon c'est pas une surprise. Donc ça va être une surprise pour moi, tu veux pas qu'on fasse une surprise ensemble? Ouais. Non. Ok, j'ai peur. Non, tu peux. Tu as peur de moi? Oui. Depuis le temps qu'on se connaît? Depuis le temps qu'on se connaît. Moi, j'ai des souvenirs de voitures, de sandwichs dans des voitures cheloues. Ah, bah non, c'est pas. Alors, pardon. C'est pas des sandwichs dans des voitures cheloues. Ouais. T'as bouffé un sandwich dans chelou dans ma voiture. Alors, n'inverse pas. C'était un enfer. C'était un enfer. Bon c'est-à-dire que j'étais comme ça parce qu'il fallait pas qu'il y ait une miette. Ah oui, ça. Non, mais attends. L'autre, excusez-moi, on tourne un toc-toc-toc. Elle monte en voiture avec moi. Les images sont sur notre chaîne YouTube, évidemment. Ouais. Elle te sort, mais un casse-dalle. Mais j'avais faim. Bah oui, mais enfin, et elle me met des miettes, mais partout. Mais c'est pas vrai, j'ai mis zéro miette. Tu as découvert son côté maniaque. Mais enfin ouais. Non, mais tu forges quand même là. Je suis pas un arrêt de bus. Je sais pas, la prochaine fois. Mais tu sais quoi, la prochaine fois, pas de soucis. Tu sais quoi, on viendra dans ma voiture, tu pourras manger ce que tu veux. J'ai pas encore de voiture, mais j'ai mon permis. Ouais, non, tu mangeras avant. Prochaine fois, j'attends que tu bouffes. Je dirai, t'as fini le dessert, tout est pris. Et je viendrai te chercher. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? Pourquoi tu fais des gestes? Non, rien, j'appelle Pierre. Ah, t'as que t'as une invitée à côté de toi, ce soir. Je sais, mais. Stouff, elle est très expressive. J'ai une viens où je te défonce. Elle est à côté de toi, Louane, elle peut avoir peur. Hein. C'est moi. Les gestes agressifs ne sont pas pour toi, c'est pour l'équipe. Non. La seule personne dont j'ai vraiment peur ici, c'est toi, mais voilà. C'est que de l'amour. C'est vraiment que de l'amour. Ça va, je rigole. Tout s'est toujours très bien passé. C'est vrai. C'est vrai que j'ai failli te foutre à dehors de ma voiture pour cette histoire de miettes. Tu m'en veux encore? Ah oui, carrément. Non, c'est pas vrai, je t'en veux pas. Mais tu es sur l'autoroute, j'ai ouvert la portière. Tu m'en veux à ce point-là? Le mec premier degré, sort. Oh, vraiment. Les amis, on va parler du duo. Comment tu vas faire pour tu vas chanter le titre, mais il y a pas Julien Doré? Comment on fait? Et bah, il y a un truc génial qui s'appelle un PBO. Voilà. C'est une bande sur laquelle je chante. Et du coup, quand il est pas là, on entend sa voix quand même. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant qu'il chante? Tu veux que je prévoie une attraction? On fait un chifoumi? Est-ce qu'on fait un chifoumi pendant qu'il chante? Dis-moi un truc qui te plairait. Alors, en vrai, je pense que je vais rien faire et rester silencieuse pour honorer sa voix, tu vois, plutôt que. C'est vrai, c'est bien. C'est quoi? Non, ça se fait pas, c'est pas respectueux. Bah, tu vas pas te retrouver comme ça. Non, je vais sourire, je vais être gentille. On va chifoumiquer. Non. Chifoumiquer. Quoi? Chifoumiquer. Ça se dit quoi? Non. On va faire un chifoumi. Tu sais que je suis la meilleure au chifoumi. Ah bon, on verra ça pendant que tu chantes. Vas-y, enfin, pendant maintenant. Que tu chantes pas. Alors déjà c'est la main devant et au mi tu donnes. Mais... Comment? Déjà c'est la main devant, tu mets pas ta main derrière. Bah, c'est vrai, tu vas pas changer devant sinon ça n'a pas de sens. Si mais tu changes devant et c'est au mi. Tu fais chifou et au mi tu fais le bon truc. Et c'est seulement pierre, papier, ciseaux, c'est tout. Pierre, papier, ciseaux, rien d'autre. Ciseaux, je dis pierre, feuille, ciseaux. Bah, c'est pareil. Non, soyons précis dans les termes. Ok, alors c'est seulement pierre, feuille, ciseaux. Il n'y a pas un puits, il n'y a pas. Il y a pas le puits. Tu fais pas puits, toi? Non. Okay. Ah ouais? T'as pas volcan non plus? Non. Ni dragon qui brûle ton papier. Ni licorne. Moi, je fais pierre, feuille, ciseaux, licorne, dragon. Il gagne de rien pour gagner là. Chifou, mi, boum. Boum. Ok. Donc ça va. Louane a fait pierre, Koé a fait ciseaux. Tu sais quoi? Ah oui, t'as bien fait de le dire, t'as raison, j'ai oublié la radio. Ça fait un zéro. C'est vrai qu'à la radio, ça rend pas du tout. Ah ouais. Eh bien, je le ferai pendant la partie Julien Doré tout à l'heure pour t'occuper un petit peu.

Renault, pas du tout. Ouais, c'est ça. Tu vas voir, tu vas voir. Coco Cali. Mais ça, tu te souviens? Sur la plage, Coco Cali. Sur la plage, Coco. Mais moi, Coco Cali. Mais les gars, vous êtes en train de chanter comme Renault. Tu vas voir quand même. Non, Renault, c'est sur la plage, Coco Cali. Sylvain, tu m'en remets un, s'il te plaît. Sur la plage, c'est sur le rocher. Vous êtes horrible. Une descente, tu vas faire la descente à vélo de café. Sur la plage, prends-moi. Prends-moi. Tiens. Coco Cali. Si, mais tu vois, non, je vais aller. Ah, voile de l'over. Coco. Vous êtes méchant, c'est vrai. Mais non, c'est pas méchant. C'est la méchanceté. C'est pas la méchanceté, c'est sa voix. Non, mais ça va bien la chanson. Tu l'as l'autre? T'en as une autre? Bah non, là j'en ai pas. Il t'a fallu une heure pour en prendre une. T'es le jukebox le plus lent du monde, quoi. Je suis pas un jukebox. Et bah prochaine fois je te mets un euro. Je suis un être humain. Je suis un être des libre. Des sentiments. Louane sera en tournée. Allez la voir le 25 octobre. On n'a pas encore passé. C'est 3, c'est quand le 25 octobre? Demain? Après-demain. Après-demain. À 3, ensuite Montbéliard le 26, le 27 à Metz. Ensuite, 1er novembre, Lorient, Brest, Angers, Le Mans, Limoges, Mâcon, Dunkerque, Le Havre, Lournon, Périgueux, Pau, Orléans, Dols, c'est avec les stars. Voilà. Dols, Genève, Épernay, là on est déjà sur décembre, Mâcon, Toulon, Limoges. Et ça se termine le 19 décembre à Lille. T'aimes bien la scène? Ah bah à Lille tu vas. Mais on a rajouté une date exprès le 19 décembre à Lille. Il faut savoir qu'on a créé un concours pour les votes des NMA et la personne qui aura voté le plus pour les NMA pour moi, eh ben elle vient avec tous ses potes au concert de Lille. Pouf. Et 608 000 potes. Et bah, imagine c'est la personne la plus populaire très de Lille. Compliqué. Mais non mais pas de Lille, c'est de toute la France. Et peu importe, peu importe, on va payer le transport, l'hôtel, tout ça, et ils viendront. C'est très bien. Non, c'est une très bonne chose. Dans un instant, nous allons continuer. Mais on pour utilise nuages et les concerts. J'utilise. C'est horrible. Elle utilise son chat. C'est ça, c'est une calculatrice. Mais c'est pas horrible. Tu utilises ton chat. Il a très pour envie gagner. D'avoir un NMA nuage. D'ailleurs, avec le code Louane, moins 10% sur les croquettes. Dépêchez-vous. Les croquettes de la marque Graou. Graou. Tu veux être sponsorisé? Sérieux? Graou. Non, je suis pas du tout sponsorisé, mais c'est la marque dans de mes potes. Il y a des gens qui donnent du Graou et donnent à manger. Des Graou, ouais. Des Graou. Mais non, je te jure. Quelqu'un a un chat qui a des chats dans le public. C'est des croquettes bio. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger? Vite la marque, vite. Graou. Walimou. Walimou. Vous êtes sérieux là avec les marques? Excusez-moi, c'est des enfants de 3 ans qui donnent les marques. Ok, on continue. On va passer une heure sur les Walimou. Urinari. Urinari. Elle a des problèmes, ils ont des problèmes déjà. Les deux ont des problèmes, ouais. Oh là là. Mais c'est pourri la bouffe de chat. Ils ont du mal à faire pipi, les pauvres. Oh non. Tu leur donnes de la nourriture parce qu'ils ont du mal à faire pipi. Ouais, du coup ils ont des calculs rénaux. Oui, c'est fait exprès, ouais. Du coup, urinari. Pour les calculs rénaux de vos chats, urinari. J'ai trouvé pire que Graou, hein. Je pensais que. Graou, c'est trop bien. On en a une autre vite de marque, de gens qui ont des chats. Cochidas. Cochidas. Mais personne dit Whiskas. Mais il y a personne qui utilise Whiskas, c'est la one. Vous allez dans quel supermarché pour trouver du Cochidas et du Graou? Non, c'est des gens qui font attention à leur chat, voilà. Et qui achètent leurs croquettes chez leur béton. Ouais, exactement. Voilà, ça c'est les bonnes personnes. Oui, enfin c'est les bonnes personnes qui se font arnaquer parce qu'ils font une gomme de folie dessus surtout. Parce que les bétons ils se gavent quand même. Hein, sur ouais, mais au moins ils ont des. Non, mais t'as moins de céréales dans ces marques-là. Ouais. Bon, les amis, c'est vrai. Avant que Louane ne chante, je rappelle qu'elle est face à Vita, face à Jennifer, face à Jane, face à Zazie, face à Christine and the Queen dans la catégorie artiste féminine francophone. Voilà. J'adore, mais votez pour moi. Voilà ce que. Ouais. Non, vas-y, bah oui, profite-en. Non, sérieusement, vraiment. Votez pour moi tous les jours. Je vous rappelle que potentiellement vous pouvez gagner un aller à Lille. C'est sympa. Un aller, plein retour. Un aller. Un paquet de Graou. Pour mon concert le 19 décembre. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire ce que je chante. Vous savez quoi? Je n'ai aucun œil sur les votes. Oui. Je vais vous le faire comme ça là, au feeling. Au feeling, ouais. Vita, oui, mais pas assez de communauté. Ok. Jennifer, énorme communauté. Ouais, surtout que ce serait son 10e NMA. Énorme communauté, et puis voilà, voilà, à un moment donné, elle s'en sert pour construire sa maison. Donc elle a une maison en NMA, tellement elle en a. Hein. Jane, non. Trop pointu, ouais. Le public de Jane n'est pas du genre à NMA, non. Zazie, hors. Impossible. Hors catégorie. C'est horrible. Ouais. Non, mais si, c'est une question d'âge. Ouais. Zazie, c'est plus adulte. Les gens vont pas aller voter pour Zazie. C'est d'ailleurs, bon, est-ce qu'elle est jouée sur énergie? Bon, voilà. Et Christine and the Queen, trop quinoa. Tu vois, il y a un côté trop. Mais d'ailleurs, c'est plus Christine and the Queen, hein, c'est Chris. C'est Chris. Ouais, bah nous on met Christine and the Queen pour dire ça va perdre. Donc, mais arrête, on est à l'ancien groupe. C'est, ouais, c'est mon avis qui ne vaut que moi. Bien je sûr. Pense ouais, que ouais. ça va jouer entre Louane et Jennifer. Ouais, c'est vrai. Je vous le dis, hein, je vous le dis sérieusement. Ouais, je pense que Louane a toutes ses chances. Votez pour moi, votez pour moi. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Jennifer vient de revenir seulement maintenant. Oui. Alors que Louane, elle a fait beaucoup de ouais, trucs. Ouais, mais j'ai gagné l'année dernière. Mais c'est pas grave, elle a gagné 9 fois, Jennifer. Oui, mais vrai. Justement, du coup, ils sont trop motivés pour qu'elle ait le 10e. Même Pokora, il a déjà eu un prix, là, il n'avait pas chanté, il était chez lui, il fait quelque chose. J'ai quelque chose, mais j'arrive. Non, ouais, mais je pense que tu peux, parce que t'as beaucoup chanté ces derniers temps et tu peux l'avoir. Ouais, et t'as un chat, toi. Et Jennifer, elle a pas de nuage. Et Jennifer, elle revient. Ouais, elle a des gens qui sont fans d'elle. Elle a aussi une communauté géniale, vraiment. Les fans de Jennifer sont top. Mais elle vient de revenir maintenant. Oh. Et je me dis que toi, t'as fait des trucs l'année dernière, t'as pas quitté l'affiche, donc peut-être que. On verra bien. Tu verras. Je touche. C'est pas du tout du bois. C'est pas du bois. Je touche ma tête alors. Vas-y, mets-toi en position, on va se faire le titre en live, d'accord? Ok. On y va, voici le titre. Qu'est-ce qu'il y a, Bichette? Ah non, mais je savais pas que c'était maintenant qu'il fait. Eh bien, j'ai envie que Louane chante maintenant. Eh bien, d'accord. Et vous savez quoi? Je me dis qu'on est tellement bien ensemble qu'avant qu'elle s'en aille tout à l'heure, avant 19h30, si on pouvait ramener, je dis à mon équipe, une petite guitare, si t'es d'accord. Pour se faire en freestyle tout à l'heure, une petite chanson à la cool avant de partir. Carrément. Genre feu de bois, Yukaida. Tu vois, on est entre nous. Ouais, feu de bois, ça va être compliqué. Merguez, tu préfères merguez? Tu préfères merguez? Feu de bois? Non. Barbuck. Je ne m'ai même pas laissé terminer ma blague. C'était quoi ta blague? J'ai dit feu de bois, il y a beaucoup de mots. Tu connais pas feu de bois de Damso? Ah non. C'est pas grave. Ah non. Ah, pardon, je suis pas très Damso. Plus l'inverse. Non. Donc, vous êtes prêts? Les gars, c'est pas moi, j'ai rien dit. J'en ai quand même. Une. Oh. Voici le titre en live de Louane. Votez pour elle dans la catégorie artiste féminine francophone pour les Energy Music Awards et avec nous sur Energy maintenant en live. Et en Facebook Live. Et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre. Labyrinthe en désert, crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges, j'irai revoir la mer sans toi. attention. Alors voilà, on l'a fait, on l'a fait. Oui. On a chifoumisé. On l'a fait. Quelqu'un a compté les points. Ouais, et je t'ai tué. Non, alors déjà je partais avec un point d'avance et t'as gagné deux fois et j'ai dû gagner quatre fois. Mais qu'est-ce que tu comptes pendant que tu... Non, on peut regarder la vidéo. Quelqu'un a la vidéo. Il a fait le puits. Mais le puits ça compte pas. Je m'adresse aux gens qui sont sur Facebook Live, les amis. Nous on va la revisionner. Mais j'ai gagné. Si vous êtes sur Facebook Live, dites-nous qui a gagné, parce qu'il y en a qui ont regardé, qui ont compté les points. Non, je vous assure, j'ai gagné. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur le public qui a applaudi à un moment donné visiblement une autre chanson que celle que chantait Louane? Puisqu'on est parti dans un... Oh, vous avez diffusé Patrick Sébastien dans le fond ou... Parce qu'à un moment donné, vous étiez tellement content de voir Louane. Hey, la, la, la, hey. C'était sympa, vas-y tu manges. Quoi? Non. Toi tu balances tout. Hein. Non, bah, c'est ouf. Ça va hein? Louane a gagné au Chifoumi. Hein. Comment ça Louane a gagné? Oui, elle a gagné, ouais. N'importe quoi. Deux, hein. Si, bien sûr, deux, hein. Boum. N'importe quoi. Et celui de tout à l'heure, ça fait 3. Mais si on, alors, on va se faire plaisir, on va appeler du monde. Il y a plein de gens qui nous ont laissé des messages avec le hashtag Louane chez Koé sur Énergie qui cartonne. On va les appeler, c'est toi qui fais le boulot. D'accord. Je te donne, même pas le prénom parce que s'ils nous écoutent, voilà, le téléphone va sonner chez eux. Hop. En théorie, là, c'est que des fans, hein, pas des amis. Donc c'est toi qui fais le truc. Alors, ça, là, je vais apprendre le public à applaudir. Allô? Allô, bonjour? Bonjour, oui. Périne. Comment tu t'appelles? Périne. C'est quoi ton Twitter? Périne Emera sur Twitter. Ça va? Périne Emera. Ça va et toi? Très bien, c'est Louane, au cas où. Ouais, salut. Je sais très bien qui c'est. Et t'as bien l'équipe. Comment tu sais qui c'est? Je sais qui c'est, je connais son nom Twitter, je vois très tellement bien qui elle est. Tellement elle est fan? Oui. D'accord. Elle tweet tous les jours? Ouais. Ah ouais? Ouais. Je lui ai déjà répondu sur Twitter et tout. Arrête je de tweeter, tu lui as déjà dit arrête maintenant, arrête. J'appelle comment la police. Ça va? Donc en fait, le but c'est genre elle a une question et je dois répondre, c'est ça? Oui, voilà. Éventuellement, ou si elle a pas de question, c'est juste un bisou, c'est pour faire plaisir. T'as une question? Oui, j'avais une question. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'édition de l'album qui va sortir le 9 novembre? Je peux dire que il y a 3 titres en plus, donc le featuring avec Julien Doré. Il est dedans. Arrête Koé. C'est bien riche en avant. Et il y a 2 chansons de Noël. Ah c'est cool ça. C'est chanvé, ça. Oh mais non. Attends, qu'est-ce que tu dis? C'est super. Mais attends, quel genre de chansons de Noël? Des créas ou des reprises? Non, en mode reprise de Sinatra. Ah génial, c'est ouais. Ah, cool. Laquelle? Tu verras. Tu verras, il a chanté ça. Ouais. Ah, c'est bien ça, chanson de Noël, très bonne idée. Je te fais un gros bisou, Périne. Bisous, Périne. Ouais, moi aussi. Et je viens te voir à Metz. Ah, bah, on se voit à la fin de la semaine. Avec toute la famille de Metz. Trop cool. On va mettre l'ambiance. Trop bien. Gros bisous. Bah, on se voit à la fin de la semaine. Bisous. Au revoir, à bientôt. Allez, je continue. Hop, j'appelle encore du monde. Bim. Que des fans. Peut-être que tu la connais celle-là, peut-être que tu la connais pas. On verra bien, le suspense c'est terrible. J'en connais beaucoup. On est toujours sur Facebook Live? On est ouais, Facebook Live est numéro 3 TT France. Un gros bisou à tous ceux qui nous regardent avec les images. Salut tout le monde. Oui, allô, ça va? Ça va, et toi? Oui, très bien. Comment tu t'appelles? Amélie. Amélie? Comment tu vas? Sur Twitter. Comment? Amélie Louaner sur Twitter? Pareil, je vois qui c'est. C'est vrai? On connaît tout le monde. Mais non, mais c'est parce qu'il y a des filles qui tweetent tellement tous les jours que genre je leur réponds quasiment tous les jours et je vois très bien qui c'est. Ben ça va très bien et toi? Je voulais juste te faire un bisou et savoir si t'avais une question. Bah ouais, j'ai une question. Est-ce que sur la deuxième partie de la tournée, ce sera un petit peu différent que la première? Je pense pas que ce sera très différent de la première en vrai, pour être honnête. Mais ces chansons vont peut-être pas changer tout de suite. Elle va peut-être faire jour 2 pour changer un peu. C'est le jour 2, celui... Qu'on retient mieux. Tu devrais écrire des chansons. Ouais, ouais. Pas sûr que ça marcherait, mais bon. Voilà, Amélie, gros bisous, ma belle. Gros bisous, et on se voit samedi. Eh bah, tout le monde avec Périne. Je veux dire, je pense que samedi, il n'y a plus d'habitants en France, avec tout le monde est à Metz. T'as vu, elle vient dire avec toute la famille de Metz. Non, mais je sais très bien qu'ils seront là. Hâte de vous voir vendredi. À Metz. À Metz. Non, samedi, du coup. À Metz. Samedi. Bisous. Bisous, bisous. Bisous. Allez, on va appeler une troisième personne. La question que je me pose, sera-t-elle à Metz? Avec toute la famille. Suspense. Avec toute la famille de Metz. Première question, est-ce que Louane la connaît? Deuxième question, sera-t-elle à Metz? Nous allons avoir la réponse immédiatement. Allô? Allô, salut, ça va? Ça va. Comment tu t'appelles? Zoé. Comment tu t'appelles sur Twitter? Zoé Douaneur. Attends, ne bouge pas. Où est-ce que tu seras samedi? Samedi soir. À Metz. Mais non, c'est énorme. Les amis, la France a rendez-vous à Metz samedi. On arrive tous. Ah là là, c'est génial, j'adore cette histoire. comment tu vas? Bah ça va et toi? Bah très bien. Est-ce que tu as une question, sachant que Perrine m'a demandé si ce qui allait arriver dans la réédition de l'album et que Amélie m'a demandé si j'allais rajouter des trucs sur la tournée. Alors quelle est la question? Alors c'était pour savoir si tu pouvais nous donner des indices sur bah, ce que tu préparais, le projet que tu as préparé à New York. Non. Bisous. C'est quoi ce projet? Attends, bon. Je vais revenir. Zoé, tu penses que c'est toi? Oui. Moi, je vais revenir dessus, je vais gratter, moi. Mais tu trouveras rien. C'est quoi, Zoé, d'après toi? Qu'est-ce que c'est? Un projet à New York? C'est quoi? C'est un duo? Ça sent bah, duo? Je sais pas, justement. Film? Non, non. Ça doit être un à suivre. Reportage. C'est à suivre, exactement. Les gens qui te suivent, c'est un reportage sur toi. Ouais. C'est pas du tout un reportage sur moi. C'est un film, c'est un long métrage. C'est un film. Non. T'as essayé non, jure, non. Sur les traces de Sinatra. Je te jure, non. Ah, oui. Non, je vous jure que non. Non. On va pas tourner un clip d'une chanson de Noël en. Bah, pourquoi pas? Non, alors je peux t'assurer qu'il faisait super beau. Ah merde, bon, tu rajoutes du coton. Ok, ouais, c'est gros bisous, Zoé, je t'embrasse, bisous, ma belle. Zoé, salut. Reste avec bisous, nous, Loan est notre invité. On se refera une petite chanson tout à l'heure à la guitare. On va te descendre une guitare, qu'est-ce qu'on pourrait carrément se faire? On va réfléchir, reste avec nous. It's been 24 hours anymore, I was with you. You spent the weekend getting even. Making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the day maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming right, right up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Sur énergie. 17h-20h. Oui, qui c'est? C'est Koé sur énergie. Et Louane. C'est celui qu'on retient. Celui qui s'en va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le jour de celui qu'on retient mieux. Faut allumer les micros. C'est le jour de celui qu'on retient mieux. On avait c'est le jour de. de celui qu'on retient mieux. Ouais. Celui qui s'efface. Bonne chance. Tu me remplaces. Pas écrit toute la chanson. J'ai plus d'idées. Dans un instant, on chantera ensemble. Dans un instant, on aura peut-être quelques surprises. Louane est avec nous jusqu'à 30. Continuez de nous regarder, c'est important, sur le Facebook Live. On vous fait des gros bisous. T'en as une devant toi. Elle est pas attention, de mon côté. Ah, Louane, prépare-toi, ça va aller vite. Voici le « Est-ce que tu l'as dit ?» en interview ou pas. Oula. Il n'y a rien que je fasse mieux que chanter. Concernant le cinéma, il y a encore du boulot. Je l'ai dit. Oui, interview Paris Match, le 20 février 2015. Tu es très bien au cinéma. Merci. Je suis obsédé par la lune. Je l'ai dit. J'en ai une en tatouage. Je l'ai dit. Tu peux venir ma phrase. J'en ai une en tatouage. Tu l'as dit dans. Je sais pas dans quel endroit. Magazine Elle. T'as une lune en tatouage. Ouais, dans le dos. Ah bah oui, côté de la lune. Oh non, j'étais sûr. Oh non, attends. Pas du tout. Logique. On dit, il va pas la fermer. Il l'a fait. Non. Il l'a fait. On tu l'as dit ou pas montre ta lune, tu l'as dit ou pas. Si Benjamin Biolay avait 20 ans de moins, j'en ferais bien mon 4 heures. Pas du tout. Ah bon. Effectivement, tu ne l'as pas dit. Est-ce que tu l'as dit ou pas. Sortir les pots de glace et regarder Love Actually quand on a un chagrin d'amour, c'est sympa, mais ça ne suffit pas. Ah non. La seule solution à la souffrance. C'est le temps. C'est se prendre une bonne biture. Ah non, j'ai pas dit ça, c'est sûr. C'est sûr que j'ai pas dit ça. Je suis certaine. On sent le malaise. Alors je t'assure que j'ai pas dit ça. Ah, il t'aimait le doute. Non, je l'ai pas dit. Ah si, tu l'as dit. Ah non, je l'ai pas dit. Si, tu l'as dit. Non. À elle. Ah non. Bon, t'as changé que la fin. Enfin, à la fin, t'as dit la seule souffrance, c'est le temps. Enfin, là, c'est moi, si j'avais raison. La dernière. Dans notre famille, nous avons une passion pour les dessins animés de Walt Disney. Nous en connaissons toutes les chansons par cœur. Oui. Oui, je l'ai dit. Tu l'as dit. Danse avec les stars 2035. Pourquoi pas si je suis en galère. Non, je l'ai pas dit. Vous connaissez toutes les chansons de Disney. On t'a déjà fait chanter sur du Disney dans pas mal d'émissions un peu partout. Ouais. Mais tu n'as jamais eu l'Ultimate Quiz. L'ultimate tu n'as jamais quiz. Eu l'Ultimate Quiz. Reste avec nous, des surprises avec Louane. Est-ce que et c'est un Ultimate chanson. Quiz Disney ou pas. Évidemment. Oui, évidemment. Leurs destins sont entre vos mains. The award goes to... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Riffix.fr by Crédit Mutuel vous invite au Energy Music Awards. Participez dès à présent au concours du meilleur fan. Et rendez-vous le 10 novembre à Cannes en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Salut, moi c'est Bruno. Bruno optimiste. Eh oui, je positive tout. Par exemple, si les freins de ma voiture sont usés, je dis super. Et si mes pneus sont aussi usés, je dis trop super. Car en ce moment, chez Citroën, jusqu'à 320€ de carburant sont offerts sur une sélection de prestations. Donc, plus j'entretiens ma voiture chez Citroën, et plus je fais de plein de super. Bref, super. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers, valable sur des travaux réalisés du 1er septembre au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détails sur citroën.fr. Et si on profitait de 50 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Moi chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 50 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux. Et moi chez Orange, pour 9,99€, j'ai 50 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore. Ouais bah, moi j'adore encore plus que toi. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Jusqu'au 14 novembre, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant le numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr, réseau numéro 1 selon locataire 7 octobre 2018. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir. Vous passez souvent tout près des femmes et des hommes qui travaillent pour vous sur les routes. Pour leur sécurité comme pour la vôtre, soyez toujours attentifs. Sécurité des agents des routes. À vous aussi d'écarter le danger. Tu reviens d'où comme ça? De la pharmacie. Pour les médicaments de maman? Ouais, le pharmacien m'a donné des médicaments Mylan. Les mêmes qu'à l'hôpital? C'est ça. En même temps, j'ai entendu que Mylan était présent dans 90% des hôpitaux. Ah ben au moins, ça lui changera pas ses habitudes. Par contre, toi, faut que tu te mettes au sport, frérot. En plus d'être présent dans plus de 90% des hôpitaux, Mylan s'engage à choisir des excipients limitant au maximum les risques d'intolérance. Demandez conseil à votre pharmacien. D'après élément démographique 2017, panorama au 1er janvier 2017. Ordre national des pharmaciens et données internes. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur.

histoire de bien vous pourrir la soirée. J'étais vraiment à Disneyland hier et voilà. Que je l'ai fait hier. Et bah, je m'en doute bien, de toute façon, on en ressort, même si tu veux pas, t'es là. Tu l'as subi. Mais tu l'as, c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et là, il y a des parents qui nous écoutent avec des enfants à l'arrière qui font « Ah, plus fort, maman, plus fort !» Il y a le monsieur chauffe qui met la musique que j'aime. Voici la première question. Ok. J'ai pris que des trucs difficiles. Si là, okay. t'as bon. Ok, vous me comptez les bonnes et les mauvaises réponses. Yes. Parce que ça, c'est autre chose qu'un chifoumi, c'est moi qui te le dis. Ouais. Comment s'appelle l'arbre où vit Peter Pan? L'arbre du pendu, l'arbre perdu ou l'arbre à cam? En vrai, il s'appelle l'arbre des enfants perdus. Alors, c'est pas ce que j'ai, moi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est l'arbre des enfants perdus. Ouais. Donc, t'avais même pas la bonne réponse dans tes propositions, mais c'est pas grave. Entre les auteurs qui bossent pas et les producteurs qui font les sons, aujourd'hui, on est bien sortis. Quelle est la fonction de Dumbo dans le cirque? Il est trapéziste, il est clown, il est cheval équilibriste. Il est clown. Avant l'arrivée de Mary Poppins, comment s'appelait l'ancienne nurse des deux enfants? Oh. Ah, Betty sais pas. Nurse, Cathy Nounou ou Super Nanny? C'est Cathy Nounou, je crois. T'es forte, hein? Jeff, tu sors? Non, quoi? Si, t'as soufflé, Jeff, tu crois que je t'ai pas vu? Mais je suis un bonhomme, je connais pas ça avec l'homme. Je suis un bonhomme. Ça me fait jeu de mots. Discrétion d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, le mec. Je me dis plus rien. Quel est le nom de la mère de Simba dans Le Roi Lion? Est-ce Samidi, Sasoufi ou Sarabi? Sarabi. Ouais, non, mais continue. Hein. Oui, rigole. Comment s'appelle le chat de la maison dans Cendrillon? Marilyn Manson, Satan ou Lucifer? Lucifer. Un peu plus de cette mission. Ouais, en quel objet était transformée Madame Samovar, la cuisinière dans La Belle et la Bête? En sucrier, en théière ou en sextoy? Théière. Elle était trop simple, là. Qui est Féline dans Bambi? Le chasseur, la mère de Bambi ou la copine de Bambi? La mère de Bambi. Non, c'est la copine de Bambi. Ah, je me suis plantée, pardon. Je vais c'est la copine quand même. De Bambi. Merci. Quelles sont les couleurs de. Que tu connais Zazou? Bien sûr. Les couleurs? Bleu, violet, orange, noir, gris. Rouge. Bleu, violet, noir, gris. Blanc, bleu, jaune, orange. Ou vert, violet, bleu, jaune, blanc? Blanc, bleu, jaune, orange. Ah ouais? C'est un sans faute là, hein? M'a saoulé. Ah bah oui. Il y a du rouge aussi. En vrai, il y a du rouge aussi. Ouais, le mec, mais ça compte pas. Restez avec nous. On va terminer sur une petite chanson. T'es prête? Qu'est-ce qu'on se fait à la guitare? À la cool, entre nous. Tourne. Allez, vas-y. On y va. Je rappelle, pendant qu'elle s'installe, que vous pouvez encore voter pour Louane, qui viendra nous voir le 9 novembre, le jour de la sortie de la réédition de l'album, pour que, si vous voulez que le chat ait des croquettes, des gazous, là, je ne sais plus quoi ça s'appelle, des graous, si vous voulez que Nuage puisse continuer d'avoir des graous, et soit pas devant la porte en disant « Maman, j'ai faim !» Il faut qu'elle ait son Energy Music Award, donc votez pour elle. Sinon, je ne lui donnerai plus jamais à manger. Non, c'est pas vrai. Et entendez dans toute la France. Si jamais je gagne cette année, l'année prochaine, c'est un quatrième chat. Ouais, ça va sentir bon. Et donc. Et un jour, on la retrouvera dévorée par ses chats, c'est comme les vieilles. Je suis en galère. Et je rappelle qu'elle sera donc samedi à Metz, comme vous le savez tous. C'est la fête à Metz. En tournée partout, Lorient, ensuite Brest, Angers. Voici à la guitare. Et le 19 décembre à Lille. Tourne. La date de la tournée. 19 décembre à Lille. Tourne. Il fait nuit dehors, j'ai besoin d'oxygène encore à la semaine prochaine. Si le vent te ramène, j'ai pris froid hier, j'ai attendu des heures entières à marcher sur les toits. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Tourne, tourne, tourne, tourne autour du monde. Tourne, tourne, tourne encore quelques secondes. Tourne autour de moi. Tourne, tourne, tourne, tourne autour du monde. Tu te souviens à l'amour, à la haine. toi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je sais qu'on se reverra avant l'hiver. Tourne, tourne, tourne, tourne autour du monde. Tourne, tourne, tourne encore quelques secondes. Tourne autour de moi. Louane qui est avec nous, ne la ratez pas. Allez, allez voter pour elle. Allez, allez choper la réédition de l'album qui sort le 9 novembre prochain. Et votez pour moi. Et donnez à manger à son chat. C'est du graou. Non, c'est du. Du graou à nuage. Donnez du graou. On a tout fait, on a. Tu dois, elle doit partir à quelle heure elle part? Maintenant, j'ai un train. Oh, à quelle heure il est le train? Il est à 20h et il est 19h30. Non, sérieux? Mais je vous présente mon oui. Non mais vous avez pas l'air flippé là, c'est dans une demi-heure, vous l'aurez jamais. Si si si, on est en moto. Hein? Ah mais quand même. D'accord. Fares, il est pas allumé le. Fares fait des changements de micro, c'est des. Quelle je heure vous présente il... Marc mon ami. Ça va Marc? Ça va pas mal. Quelle heure Marc, le train? Ouais. 20h. Nickel, nickel. Ouais. Oh Marco. Marc, c'est niqué, autant rester avec nous. Bah ouais. Non, je vais l'avoir vraiment, par contre il faut que je parte maintenant. C'est niqué, je vais perdre la tête, donc on y va. Vous allez où? Vous allez où? Regarde les enfants. Musique triste, oui, musique triste. Louane. Oui. Louane. Tu peux pas leur faire ça. Les enfants. Non, ils sont venus pour toi. Ils sont venus avec des cadeaux. C'est toutes leurs économies. Arrête là. Non, je vais mettre à pleurer. Louane. Mais elle pleure déjà les fois. Ok, j'ai mon agent qui me dit je dois dire au revoir et merci. Au revoir. Regarde. Je vais venir vous voir vite fait. Ils sont là, ils font. Louane, je vais venir vous voir vite fait, mais laisse-moi partir. Arrête. Regarde, elle tend la main vers toi. Louane. Elle tend la main. Elle tend la main. Non, vraiment, faut que j'y aille. Ne pars pas. Bah, prends-moi son cadeau. La pauvre. Attends. Allez, faites un bisou rapide, tout le monde. Elle doit vraiment sauver. Allez, viens, allez, parce qu'il y en a plein qui sont venus, des petits et tout. Louane, j'avais fait un cadeau. Pourquoi elle s'en va? Pourquoi tu nous Elle a un train, la pauvre. C'est moche ce que t'as mis d'avoir mis la musique triste. Alors là, c'est moche. Regarde comme c'est beau. Il y a des photos, il y a des... Ah, c'est beau. Et pendant ce temps-là, le temps passe. Messieurs, je vous confirme que le train est niqué. Messieurs, prochain train, 23h35. Prochain train, 23h35. Le principal, chez toi. Louane, je sais pas où tu vas. J'ai envie de dire, le principal, c'est que tu sois à Metz samedi. J'ai l'impression que toute la France va être à Metz. Donc autant aller directement à Metz. Restez avec nous, qu'est-ce qu'on écoute, Bichette? Dadju. Allez, mets-moi Dadju. Et pendant ce temps-là, elle fait des bisous et des photos vite fait. Le train, c'est mort, hein. Ah, c'est. Pareil. Ce sera pas de ma faute, hein, c'est les enfants. Bienvenue sur Énergie. Ça ne se passe qu'ici, on vous embrasse, on est en Facebook Live toujours? Ouais, toujours. De toute façon, t'as rien dit depuis tout à l'heure. Faut respecter quand une lionne arrive à tout gérer. Un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Jamais son dernier mot. Nanana. Et tu peux lire sous ses paupières déterminées. Elle agit, elle ne parle pas, il y en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui a chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Lionne. Très bien comment gérer sa vie. Charismatique, elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Nanana. Elle dit jamais son donne la richesse d'un homme. Elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. C'est Coé sur Énergie. On est tous sur Énergie, merci Drago. Je vous invite, si vous n'avez pas vu le Shifumi de Louane pendant le live tout à l'heure, remettez-le. Hein, c'était c'est le dispo en replay là. C'était dispo en replay sur YouTube. Enfin, Facebook. Ouais, Facebook. Facebook, allez-y et tout. Beaucoup de messages, Borda, sur Facebook, hein. Bah oui, vous les avez lus. Ah, ouais. Non, on les a pas lus. Ah, on a fait son travail, mais le mec, il est fantastique. Non, mais... Bon, Louane, vous savez quoi, Louane, c'est là pour avoir son train. C'est un peu, c'est chaud. C'est quelle gare? Gare, je sais pas. Bah, gare de l'Est, non? Gare de l'Est? La gare à toi! Tu vas être en retard! Toi, tu sais quelque chose. C'est con! Non, hein, quoi? Toi, tu sais quelque chose? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, mais il n'y a rien, c'est qu'elle, j'espère qu'elle aura son train parce que c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Rien! Mais j'ai le droit de sortir quelque chose. Oui, tu veux dire, mais si on veut dire. Elle va faire une autre radio sur le rat de son teint, c'est pas grave. Ah oui, bon, c'est pas grave, alors, d'accord. Mais non, tout va bien. Bon, qu'est-ce qu'on a le temps de faire? Alors là, avec tout ça, est-ce que ça vous a plu de voir Louane? Passe-moi les petites là au premier rang. Tu l'as vu? C'est la première fois que tu la vois? Oui. Comment tu l'as trouvée? Belle et gentille. Et gentille, d'accord. À côté, comment tu l'as trouvée? Bien. C'est vrai? À côté, comment tu l'as trouvée? Magnifique. Ah, magnifique, on passe un cran dessus. À côté, comment tu l'as trouvé? Oh, j'avais envie de me faire. C'est bon, elle est bonne. Tu vas, moi, j'y vais direct. Je la bouillave toute. Le gars qui se tient pas. Direct, j'y vais. Bon, à côté, on va faire le tour de l'autre côté. Comment vous l'avez trouvé? Franchement, au top. Allez, c'est vrai qu'elle est adorable avec son public. Elle est au top, vraiment. À côté. Super jolie. À côté. Trop belle et trop gentille. Voilà. Bien, toi t'es... Attends, elle est toi, grand... c'est quoi ton prénom? Caïs. Toi, on sent que c'est pas ton truc, t'es plutôt d'adjou, toi t'es venu pour accompagner. Je rêve ou pas? Pourquoi il est déçu? Alors, on se parle. Il a pas eu de photo, c'est pour ça. Ah, mais elle reviendra, elle avait pas le temps. Tu veux une photo avec moi? Non. Passe le micro, tu veux une photo avec moi? T'es moche. Oh. Alors, vite, oui, là, intervenir, faire quelque chose. Il ne sait pas qu'il est premier degré. Sortez le petit, il va le faire. Ne dis rien, Coco, ne dis rien. Appuie juste sur le bouton sécurité. Le bouton trappe. Fais-le tomber aux oubliettes. Avec les autres animateurs. Alors, c'est un enfant. Alors, allez où la touche combustion spontanée? Les enfants voilà. Une place est libre. Les enfants sont formidables. Mais il y en a qui méritent une bonne classe. Les enfants sont parfois cruels. Les enfants sont parfois cruels. Et ils disent des vérités. Et toi, t'es moche aussi. Alors. Tu peux pas dire ça, Coco. Mais il est mignon comme tout. En plus, je lui ai dit qu'il était beau gosse tout à l'heure. Bon, alors que toi, t'es moche, puis t'es con. Mais non, il est beau gosse, il est déçu. Il est déçu. Hein, t'es déçu, mon grand? Il est mal élevé en plus. Moi je t'ai. Il est super bonheur là. Il est en train de craquer. Il va te parler, t'as vu hein. Il craque. On fait un bisou à David. Vos pires vacances, les amis. Est-ce que vous avez déjà passé. Tu m'as tué, mec. Qu'est-ce qu'il y a ce... J'ai un petit craquage. Allô. Oui, excuse-nous, c'est David. Il y a notre productrice qui est en craquage. On sait pas pourquoi elle est en craquage. On est là, David, calme-toi. Salut, David, ne panique pas. On est là, tout va bien. On est là, je veux juste voir si tout va bien. Stouff, tout va bien? C'est bon. Ouais, ça va. Non, David, on parlait à Stouff. David. On est à toi dans une seconde. Vas-y, David, je t'écoute. Les pires vacances, raconte-moi. Bah, du coup, ça va, Stouff? Tu vois, il s'inquiète aussi. Ça va très bien. Merci. Allez, on y va, mon pote. Moi, mes pires vacances, j'étais en camping à Perpignan avec madame et mon fils. Et on a commencé à faire un foot le lendemain. Et je me suis fait les ligaments croisés. Et du coup, j'ai été donc aux urgences et mon fils m'a accompagné et il s'est fait, lui, il s'est tordu la cheville, il s'est cassé la cheville le même soir. Mais alors, tu me fais penser à ce que moi j'ai vécu cet été, parce que j'aurais pu me mettre dedans. Cet été, moi j'ai passé les pires vacances. Je suis pas parti longtemps parce qu'on préparait l'émission sur énergie. Je suis parti 12 jours exactement, je suis allé à Ibiza. Eh ben, j'ai eu la moitié de mes vacances niquées à l'hôpital, la jambe dans la glace. Ouais, je me suis déchiré le muscle du mollet en faisant absolument rien. En faisant quoi ? En sautant d'un bateau. C'est-à-dire que. Comme ça, j'ai sauté, en sautant, j'en sentais un clac. Et là, c'était fini, c'était déchiré. Mais voilà, et ça m'a bien niqué mes vacances parce que les Espagnols et la médecine, bon, bah, il y a quand même un fossé. Hein. Mais je pense pas que ce soit aussi douloureux qu'une rupture des ligaments. Monsieur, tu veux qu'on fasse une compète ? Non, j'ai pas dit ça, mais. Non, mais t'as raison, mais bien. C'est pas aussi douloureux qu'une rupture des ligaments, moi. Mais c'est pire que tout. Les ligaments croisés du genou bêtement. Antérieur ou postérieur ? Antérieur. Au genou, pas postérieur. Ouais, c'est vraiment. Mais t'as les deux. Hein. Non, mais il a dit pas au postérieur, il a dit au genou. Ah oui. Non. Celui qui se casse les ligaments croisés du postérieur. Faut y aller, hein. Faut y aller fort. Bisous, mon David. Je t'embrasse fort. Salut, bonne soirée, bisous. Embrasse le fiston. On en prend quelqu'un d'autre pour les pires vacances ou pas ? Hein, tu arrives ? J'arrive. C'est pas mal aujourd'hui. Cette émission, je t'en prie, Guy Claude, je te laisse te garer. Il vient de partir. Non. Je vais te laisser faire un créneau. Tu te prends un petit café. On continue dans un instant. Reste avec nous. C'est l'émission en public. Louane était notre invitée. Allez revoir la vidéo si vous n'avez pas vu la prestation. Elle est géniale et on croise les doigts pour elle. Souviens-tu de l'ivresse, de nos envolées soudaines. Reconnais-tu mon adresse, nos larmes au bord de la Seine. Allons voir ce qui reste de nos apnées sous les draps. Cachons-les. Avec nous, ça va nous faire plaisir. Demain, il y aura Oshi qui sera là. Ah, Oshi, elle aime les Pokémon. Oui. Elle l'a tweeté hier. Elle joue encore aux Pokémon. Rendez-vous demain dans l'émission. Vous verrez. Amir viendra lundi. Vous allez découvrir Angèle qui viendra nous voir mardi prochain. C'est bien, elle est très jolie cette demoiselle. Ah oui. C'est la sœur de Roméo Elvis, c'est ça ? Exactement. Ouais, très bien. MHD dans quelques jours. Vous savez que j'avais un magnifique blind test, Louane, oui. Qui est arrivé. Je remercie nos amis à la production quand elle partait. Donc, aujourd'hui, on était sur le coup. Non. Il est pas prêt. Bah en fait, là, tu vas voir que les vérifs. Si tu veux vraiment qu'on joue, on va jouer, mais vas-y, appuie. Mais tu vas voir que les vérifs. Que les résultats. Ouais. Donc c'est un mi blind test. Hein. C'est un juste un. Donc en fait, il a posé des questions. Il a dit on va mettre les vérifs. Juste un. Ouais, je pense. C'est comme si on avait. C'est comme si on avait un truc qui faisait. Bonjour à tous et bienvenue à Qui veut gagner des millions. La réponse est C, bien sûr. Ah ouais. C'est exactement ça. Ce serait passionnant comme jeu. Après, non mais si tu veux, vas-y. Fais le premier, tu vas voir. Ça y est, je viens d'imaginer. Ouais, bienvenue à question pour un champion. Attention, vous allez jouer avec nous. Attention, on y va. Et la réponse est la Côte d'Azur. J'ai dit oui. Ah, c'est magnifique. Donc ils m'ont fait que les réponses, pas les questions. Voilà. Je crois pas qu'on ait les questions. Hey, là, je suis rhabillé pour l'hiver. J'ai mon parka, j'ai mon kawé. Fais un test quand même, parce que peut-être que je me plante, mais. Afghan. Ouais, donc. Non, tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Voilà. Deuxième mois. Dans un instant, nous allons faire. Qu'est-ce qu'il y a, Bordas? Bah, moi, je vous ai préparé un truc, moi. C'est quoi? Bah, vous êtes bien foutu de ma gueule hier. Parce que j'arrivais pas à épeler l'orthographe. Non, parce que tu n'arrives pas à écrire défonce, que t'as mis une vidéo, que tu t'es servi de mon Instagram et que la France entière a cru que c'était moi qui écrivais défonce avec un S. Merci d'être passé pour un idiot. Vous êtes foutu de ma gueule parce que j'arrivais soi-disant pas à écrire les bons mots. Bah oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Désolé tout le monde. T'écoutes quand je te parle, c'est ce que je viens de dire. C'est parce que je suis énervé. Et donc? Et bah du coup, moi je vous ai préparé des mots, faites les malins, on va voir si vous arrivez à épeler les bons mots. Absolument, ah oui, ça va être compliqué. Mais attends, quel mot? Bah je te le dis pas. Si tu le dis avant, c'est con aussi. Bah oui, normalement, donne les réponses. Dans un instant, il dira maison. Ah, restez là. On est de retour dans un instant sur énergie. Restez avec toi tout de suite. Vous savez que votre radio est allumée sur énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Énergie. Hit music only. Chers voyageurs, notre voyage continue et... Oh, écoutez, vous entendez? 10 du forfait Power. Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10 euros par mois. Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein. Ah oui, Francis. Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50 Go 4G+, est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Profitez sereinement de chaque trajet à bord de votre Peugeot, sans vous soucier d'autre chose. C'est à cela que travaillent les experts Peugeot. Alors quand ils révisent votre véhicule, ils s'assurent avec de nombreux points de contrôle de préserver votre sécurité et votre plaisir de conduire. Chez Peugeot, la révision est à partir de 99 euros pour les véhicules de 4 ans et plus. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Moi, c'est Afflelou. Comme Sharon Stone, attirez tous les regards avec les lunettes Smartonic d'Afflelou. Tentez de gagner un pack VIP pour deux au Energy Music Awards. Rejoignez la page Facebook Alain Afflelou pour peut-être vous retrouver à Cannes sur le tapis rouge. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Jeu jusqu'au 26 octobre 2018. Règlement sur la page Facebook d'Afflelou. Conforama, le confort pour tous. Quand on déstocke une grande sélection de produits jusqu'à moins 50%, on pense à quoi? Moins 50%? Oui, on pense surtout à vous qui allez profiter de toutes ces bonnes affaires. Conforama, jusqu'au 12 novembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Bonjour, c'est Jean-Marc Morandini. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour ma nouvelle émission Crimes et faits divers, la quotidienne. Entouré de mon équipe d'experts, nous reviendrons sur des événements qui vous ont marqué. Entre expertise et décryptage, nous vous ferons découvrir des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes. Crimes et faits divers, la quotidienne, votre nouveau rendez-vous en direct à ne pas manquer du lundi au vendredi à 13h35 sur Énergie 12. La grande récré. Les

Dame tu cosita. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil y hasta Panamá. Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Que lo ve. Un, dos, tres, go. Que lo ve. La Hindi Mashup. Après plusieurs décennies de radio, Koé, ça pourrait être ton père, ton grand frère, et pour les tout petits qui écoutent peut-être, ton grand-père. Moi, je le vois plutôt comme un cousin demeuré, mais bon. 17h-20h, c'est Koé sur Énergie. On est là, alors. Je vais vous expliquer. Hein. On a là tout le temps de la pub. J'ai essayé d'éponger un drame. Ouais, je suis allé voir le petit jeune qui est pas content parce qu'il a pas pu avoir sa photo avec Louane. Je le comprends. Il est fan. Voilà. Ouais. Tu lui as proposé des alternatives. J'ai proposé des bonbons. Des cadeaux. J'ai envoyé péter. J'ai proposé des invitations pour le concert. Il chonchon. Tu lui as proposé ta place, le micro. Je lui ai dit viens derrière le micro. Tu prends ma place. Chose que je ne fais à personne. Non. C'est vrai. Il m'a dit non. Non. Hop, tu loues. Je tente un dernier truc. Oula. C'est le summum du summum. T'es là, mon grand? Tu m'entends? T'as qu'à juste répondre, le micro est devant toi. Oui, il a secoué la tête. Fais un. Ah, il boude vraiment. Oui, mais il boude après moi, alors je suis pour rien, moi. Bah, si, c'est ta faute. C'est ta faute, si. Ah, il est un peu truc. J'ai l'ultime truc. Si je t'offre une PS4 et que c'est Noël avant Noël. Non. Ah oui, il est chonchon. Je te la mets où, je pense. Il est bien difficile, votre enfant, madame. Et c'est ta voiture, Si je t'offre cette voiture. Bah, j'ai essayé. Après, moi, la PS4, je la veux bien. Oui, mais toi, moi, la voiture, je peux bouder, hein, si tu veux. Je peux bouder, je peux faire du boudin. Je peux faire super bien du boudin. Vous savez quoi, madame? Vous êtes la maman? Madame, on va garantir un truc. Vous allez le voir en concert, Louane? On n'a pas de place, mais on est bien, oui. Vous inquiétez pas, je vais gérer. Là, il fait la gueule. Non, sinon, il fait pas la gueule, il est vraiment, vraiment attristé. Non, mais oui. Il fait la tristesse, mais il fait la gueule. Oui, mais en même temps, il faut comprendre aussi que je me mets à la place des artistes. Non, quand ils doivent partir, ils peuvent pas faire des photos avec tout le monde. Ouais. Moi, je comprends, mais à 8 ans, c'est dur. Ben oui, ben, oui. C'est la vie, il apprend la vie. Voilà. La violence. La vie n'est pas toujours facile. Écoute, on n'a pas ce qu'on veut. C'est hein. Dur, mais il a raison. Voilà. C'est horrible, mais quoi. Oui, mais il voit pas Louane tous les jours. C'est normal qu'il soit. Ce que je veux dire, je vous invite, vous, le petit, et qui vous voulez, je sais pas combien vous serez, à un concert de Louane, celui qui est le plus près à côté de chez vous. Vous habitez où? Juste dans les Sannes. Eh ben, je vous garantis que non seulement vous irez au concert, là il fait la gueule, mais vous irez au concert. Et je vous garantis que vous verrez, irez voir Louane et il pourra aller lui faire un bisou dans les loges. Merci, d'accord? Vous êtes adorable. Allez, voilà, c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus. Bravo, Coco. Non. Non, mais c'est vrai, quand t'es gamin, t'as. Bah oui, bien sûr, c'est normal. Il a dit merci. T'as dit merci, mon grand? Oui. Merci. Ouais, tu vois? Oh, tu veux pas venir là? Mais viens avec allez, nous. Viens me checker, viens me checker bisou, dans la main. Faire un bisou. Allez, viens me checker dans la main. Non? Non, ça non. Tu vois, je suis pas beau, mais je suis sympa. On me demande trop là. Hein, je suis pas beau, mais je suis sympa, ça va? Non, t'es pas beau quand même. Bon allez, en tout cas, allez, laissez foutre lui la paix, laissez-le. En tout cas, on vous montrera tout ça. J'ai essayé de négocier. Hein. Ouais, c'est quoi enfin, pendant la pub là, j'ai l'impression d'être un mec du FBI qui est en négociation. Négociateur. Sors d'ici, pose ton arme. Pose ton Kleenex. Pose ton Schtroumpf. Pose ton Kleenex. On finit avec Bordas, qui voulait nous mettre au défi puisque Monsieur Bordas écrit défonce avec un S. Y a pas un buzzer là? C'est pas moi qui l'ai, c'est toi. Mais si tu veux, faut que t'ailles là-bas. Si tu sais quand on se trompe. Sinon tu le gères, Bichette. Non, vas-y, viens, mais gérer, sauf vas-y, que non. Bichette, il n'est pas sûr d'avoir tous les orthographes non plus. Hein. C'est pas. C'est Bichette, je te rappelle. Hein. Ouais, non, c'est pas mal. C'est sur les parle français, non mais. Je suis crado et en plus, je suis illettré. Crado, mais faux. Attention. C'est où le buzzer là? Là où il y a écrit buzzer. Il y a marqué perdu. Ah, c'est ça? On y va, vite. Dans un instant, le ricochon, on vous fera un bisou, on reviendra demain. Avec Oshi. Attention, il te faut un casque, il te faut tout. Tu veux une maquilleuse? Ça va aller? Non, sinon je vous en prends pas. D'accord, tu veux une estrade pour être plus grand? Ok, vas-y. Là, tu fais le malin là, allez. Staphylocoque. Comment? Staphylocoque. Moi? Ouais. Ah, il est chaud celui-là. Bâtard. Allez. Bah ouais, bâtard. Oh, bâtard. Allez, vas-y. B-A-T-A-R-D. Bâtard. Allez. Un staphylocoque, il faut que je me le mette dans la tête. S-T-A. Moi, je réunis P-H-I. S-O-L-O. Y. Ah, ah. Eh non, mais l'aide pas, toi. Attends, non. Ouais, mais on voit qu'il l'a eu. Hein. Alors, S. Quel enfoiré. C'est comme le mec hémorroïde. Je sais. Moi. Alors, non, staphylocoque, je reprends. S-T-A. P-H-Y-L-O. Moi, j'aurais mis C-Q-U-E. Ouais. Non. Non. Q-E. Q-E-S. H que yo, je sais plus où. Collé au cucu. Ça prendra le temps que ça prendra. Staphylo. Alors attends, attends. Alors, attends. S, staphylocoque. St, S, T, A, P, H. Mais si, il a déjà dit. C'est H, Y, le staphy, l'O, L, O. Coq, C, O, Q, U, E. Ouais, ça va. Ah, bon. Bah oui, Staphylo. Oh. Tiens, Nico. Presbytie. Facile. S-A-L-A-U-D. Quoi? S-A-L-A-U-D. Salaud. Salaud. Presbytie, Nico. P-R-E. N'écris pas. Fais comme les gens dans le public, ils écrivent pas, faut être comme eux. Alors, P-R-E, accent aigu, S-B. Ah, il n'y a pas accent aigu. I-C. Reprends depuis le début, tu t'es trompé. Reprends depuis le début. Non. Je sais pas écrire presbytie, non. Alors attends. P-R-E. Pré. Ah. En plus, je suis mien, moi. Moi, je te l'écris, mais en petit. Vas-y. Enfoiré. Ok, bordasse. Alors, P-O-L-E, plus loin. E-M-P-L-O-I. C'est ça. Oh, l'emploi. Non, vas-y, presbytie. Non, alors, P-R-E, B-Y. T-H-I-E. Eh mais arrêtez de l'aider, vous. Non, T-H-I-E, non. Presbytie. Bah si, T-I-E. Oui, non, T-I-E. T-I-E. Redis du début. Non, c'est presbytie. Alors, P-R-E, accent aigu, S-B, Y. S-B. Ouais, T-I-E. Ouais, c'est ça. Ok. Tu mets un H. Bravo. Ouais, j'ai mis un H. Stouf. J'aime bien le H. Stouf, rodondindron. Oh, c'est facile. Ah non, ça va, c'est facile. R-H-O-D. Attends, redon. Comment on bloque? E-N, donc D-R-O-N. Ouais, c'est bon. Wow. Ah, ça va, elle cultive des rhododendrons. La dernière fois, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais à manger ce soir? Elle m'a dit des rhododendrons. Ah, évidemment, elle a une maison. Elle a une maison, rhododendron. Le piège, c'est le H. Allez. Kinésithérapeute. C'est facile, sa femme était kiné, putain! Kinésithérapeute, ok. D-I-V-O-R-C-E. Voilà. T-T-H-O-R. P-E-N-S-I-O-N. P-E-U-R. Ou alors Bichette alors, kinésithérapeute. Bah, c'est K-I-N-E-S-Y. I. Arrêtez de l'aider. Ah, c'est vrai, pas les gens du public, on les aide pas. K-I-N-E. Attends, c'est pas Y. Ok, donc kiné. Attends, vas-y. K-I-N-E. Ouais. Z, c'est S-I. Ouais. T-H-E. Kinésithé, R-A, R-A, et après c'est que. Et pi ou peut P-E-U-T-E. Ouais, c'est bon. Ouais. Ah, mais vous l'aidez trop aussi. Eh bien, non, les amis, c'est là-dessus que nous allons terminer. Un dernier, Jeff, coccyx. J'en fais un dernier. Coccyx. Non, je te laisse alors. Un coccyx. C'est pour toi, Jeff, il a dit Jeff. C-O. 2X. 2C. Coccyx. 2C. K-O-X-I-E, garçon. Coccyx. C-O. Non, couscous si vous voulez dire. Couscous. C-O-U-C-O-U-S. Pareil. C-O-X, coccyx. C'est C-O-Q-U-X. C-O-C. Je peux juste te dire un truc, Bordas, c'est que si tu continues encore 3 secondes avec ce buzzer, je vais te le replacer le coccyx. Je te jure, je sais pas comment ça s'écrit, mais tu vas. Vite, on termine là-dessus. Comment ça s'écrit, coccyx? C-O-2-C-Y-X. C-O-2-C-Y-X. Et c'est là-dessus que nous terminons avec. On revient demain. Comme quoi, on se moque de nos éditeurs, mais bon, voilà. Non, mais les mots sont durs. Demain, avec nous, elle sera. Arrête! Oshi sera là demain. Je vous fais des gros bisous. H-O-S-H-I. Allez revoir la vidéo tout à l'heure qui a été avec nous. Je vous fais laisse avec le Rico Show. Vous êtes bien l'équipe, vous êtes là où vous m'entendez? Yes, ça va l'équipe. Et ça va très très bien. Je n'en peux plus, j'ai une suée avec ces dictées là. Oh, voilà. J'ai cru que c'était loin. T'en as pas pour Rico? Balbutiement. B-A-L-B-U-T-I-M-E-N-T. Ben non. Si, c'est ça. Non. Balbutie. Bah si, c'est un piège. Je sais, mais c'est un piège. Non, mais moi. Putain, j'étais pas bien. C'est écarté, c'est écarté. Oui. Ouais, je l'aurais écrit comme ça aussi. Institutionnellement aussi. Ouais, je l'aurais écrit comme ça. C'est ça, monsieur Coé, je vous jure. Je l'aurais écrit comme ça. Exactement comme ça. Bonne soirée, les amis, à demain. Coé revient demain sur Énergie. 3, 2, 1.